vous avez des soucis? Un ennui? Besoin d'un ami? Avec le petit français, là. Ouais. Mi-pédé, là. Ouais, pas mi-pédé, pas mal pédé, je crois. Dans une entrevue, elle disait qu'il tripait du super N, le français. Tripait sur elle? Ouais. Mais dans ce temps-là, il était hop. Ouais, puis elle voulait rien savoir. Là. Ouais, dans le temps qu'elle faisait des. Tu as vu la petite tronche de pédé. Dans le temps qu'elle faisait des films avec Vincent Bolduc, là. Elle tripait sur Vincent Bolduc. Oh, c'est sûr. C'est une gang d'incestueux, ça. Oh, c'est un poil plus belle, la maman de Britannie. Oh putain, j'en ai trouvé un autre! Ouais, Book of Mormon, c'est des génies, là. Là, il y a une tune, c'est comme I am Africa. C'est des blacks qui chantent ça, là. Just like Bono, I am Africa. C'est vrai qu'à un moment donné, Bono était dans la salle pour une représentation, puis il est parti à rire, puis je pense qu'il s'est levé, puis il a applaudi. Pour vrai? Wow! Salut tout le monde et bienvenue à l'épisode 28 de La Jazette, prophétie par Young Media. Fuck! La Jazette, c'est un podcast de. C'est vraiment la paix à faire qu'on n'a jamais fait ça là. Ça va bien, ça va bien. Salut tout le monde et bienvenue à l'épisode 28 de La Jazette, propulsé par Young Media, édition du 10 novembre 2012. La Jazette, un podcast de discussion ouvert sur l'actualité et autres sujets, ou pas. Autour de la table aujourd'hui, Jean-François Cromp, accompagné de David Thibodeau. Salut! Salut Dave, ça va? Oui. Hey, c'est une late night Jazette. Late night Jazette. On est fatigué, on prend une petite bière, puis la preuve qu'on est fatigué, c'est qu'on vient de faire 10 minutes d'intro ratée, je pense. Ouais, c'était assez incroyable. Mais là, on est sur notre air d'aller, puis on a un gros show pour vous cette semaine. On espère que ça abonne. Ouais, ça, comme je dis, on a un gros show cette semaine, plusieurs nouvelles, plusieurs clips audio qui reviennent sur notre soundboard cette semaine. Ouais, on continue là-dedans, là, on continue. Ça va bien, on aime bien ça. Bon. hein? On en abuse. On abuse, mais pas trop. Oh, à peine. Ben, je sais pas ce que Gérald Tremblay en pense, lui. Mais là, je vais prendre quelques jours de repos, puis je vous souhaite une bonne fin de semaine. Bon, on y reviendra à Gérald dans notre... Ben oui, on va y revenir. Section politique. Notre beau Gérald. Ouais, section politique qu'on a haï. Bonne fin de semaine. Alors, Dave... Bonne fin de semaine. Écoute, est-ce qu'on commence ça straight to the pipe comme ça, là, ou est-ce qu'on est prêt à commencer? T'as-tu quelque chose à dire avant de starter ça? Non. Je vois que t'as lu Walking Dead cette semaine. Ouais, j'ai finalement trouvé quelque chose que j'aime bien lire. Tu te prends pas un an à lire? Non, j'ai clenché... Ça t'a pris une semaine, c'est bon. Un livre de Walking Dead. Fait que t'as lu le premier, t'as lu donc l'intégralité de la saison 1, 2, un petit peu. Là, ouais, à peu près, là. C'est excellent. J'adore les deux univers, là. Ouais, c'est différent. C'est vraiment différent, mais j'aime ça, les deux, là. Ça sera, ils se recroisent souvent dans les histoires. Ce que j'ai aimé, c'est qu'ils mettent des détails dans les livres que t'as pas dans la série, puis l'inverse est aussi vrai. Mm-hmm. Ils mettent des détails dans la série que t'as pas dans les livres, puis il y a des affaires que j'ai trouvées vraiment hot qu'ils ont faites dans la série, puis que je trouvais ça plate qu'ils l'avaient pas dans le livre, puis l'inverse est aussi vrai, tu sais. Mais là, tu sais, tu vois, il y a un épisode cette semaine de Walking Dead qui a séparé complètement la BD de la série télé, je trouve. Je veux pas gâcher le punch à personne, là, mais c'était un épisode assez poignant de se trouver aussi intense que moi, cet épisode-là. Mm-hmm. Ça faisait mal au cœur. Bonne réaction, ça venait chercher. Ouais. Fait que sur ce, on part commençons l'actualité. Ouais, on va commencer par les nouvelles. On va se prendre une petite bière, je pense, hein, parce que là, on a fini notre bière avant l'intro. Ben oui. Alors, on se prend une petite bière. Ça doit être pour ça qu'on a recommencé trop de fois. Fort probablement. Fait qu'on commence ça, puis les nouvelles. José. Dave, t'es prêt? Ouais. Petite bière neuve. Oui. Le soundboard est prêt. Alors, on y va avec les nouvelles pour la semaine du 5 novembre 2012. Les nouvelles. Alors, bienvenue dans les nouvelles. T'as-tu faire ça à chaque semaine? Que... Non. Phew. On y va avec le sport. Ouais. On commence par la fin, comme d'habitude. Le sport, alors, nouvelle fraîche aujourd'hui. Tu connais Blake Geoffrion? Ben oui. joueur des Bulldogs d'Hamilton. Il a joué dans le Canadien cette année aussi, me semble. Ouais, l'année passée. L'année passée, ouais, plutôt. 24 ans, il a subi une fracture du crâne. Il s'est fracassé le crâne. Mise en échec par Jean-Philippe Côté. Ouais. Il avait la tête baissée, puis ça a l'air qu'il s'est fait plaquer dans la bande, puis il s'est relevé le visage plein de sang. Ben oui. Fracture du crâne, quand même. Il est aux soins intensifs. Ouais, on y souhaite. Il a été opéré, grosse. Ça a l'air qu'il est stable, puis il va bien, là. Prompt rétablissement, comme. Prompt. Comme ce qu'on dit. Oui. Comme qu'ils disent, là. Pourquoi est-ce qu'on dit ça, donc? Prompt. Pour qu'est-ce que c'est? Prompt. Prompt. Ouais, prompt. Ben, prompt, c'est prime, Non? Passons à la deuxième nouvelle. Oui. Hey, moi, j'ai quelque chose pour toi. Ah, ben vas-y. Un jeu inusité dans la NFL cette semaine. Ouais. Un trick play. OK. Ça s'est passé entre les Eagles et les Saints. Ce qui s'est passé, c'est que il y a eu un botté de dégagement. Ben, pas un botté de dégagement, mais peut-être un botté de remise en jeu. Ouais, ouais. Puis, ce qui s'est passé, c'est qu'il y a un des joueurs qui s'est couché dans zone de touchdown, okay, dans le logo de l'équipe. Okay, il s'est couché là-dedans à terre. Okay. Puis il y a un autre gars qui était carrément l'autre bord du terrain, qui était debout. Puis c'est lui qui a attrapé le botté. Okay. Puis là, ce qu'ils ont fait, c'est que quand il a reçu le botté, le gars qui était couché dans sa zone, il s'est levé. Puis il est parti à courir, mais tout le monde était parti vers le gars qui avait le ballon. Okay. Fait que le gars qui était couché tout seul dans la zone, il le voyait pas. Fait qu'ils n'ont pas couru vers lui. Puis il a fait une passe latérale. Fait que le gars, il était tout seul, puis il est parti, puis il a monté jusqu'au touchdown. Wow, fait qu'il a fait une course quasiment terrain complet. Ouais, terrain complet. Dans le fond, wow. Puis c'était pas bon. Non? Non, parce que la passe latérale, finalement, était en avant. Oh. Fait que ça a pas compté, mais le jeu était écœurant, man. Wow, j'avoue, c'est un nasty trick play. Là. Un genre de jeu que tu verrais dans les Mighty Ducks. Là, où, Ouais, puis après ça, j'ai vu un truc sur le site, dans les coulisses, genre. Puis c'était comme un trick play d'une équipe de basketball, mais genre comme... Universitaire, mettons? Ben, là, même pas, genre quasiment, genre secondaire ou collégial, okay, whatever, là. Puis il y a un gars... Peu importe. Il y a un gars, carrément, là, sont à l'attaque avec le ballon, puis là, il y a un gars, il se met à terre à quatre pattes, comme carrément éloigné à terre, puis il se met à japper. Puis là, les joueurs de l'autre équipe, comme ils le servent de bord, puis ils capotent, ils se relèvent, puis ils font un... Ils font un panier, genre. OK. Puis ça donne 2 points. Puis après ça, le match finit. Puis c'était égal, mettons, le match, là. Wow, diversion totale. Oh, ouais, comme... Puis là, tu vois, les autres partent à courir. Ils font comme « Ah non, fuck! » Puis ils partent à courir. Puis ils pêchent le ballon comme... Mais là, ça buzz. Puis ils font pas de points. Là, c'est comme « Wow, man! » Diversion de merde. Il fait un chien à terre, man. C'est bien drôle, ça. Il jappe. C'est ça. Je sais pas quoi dire. J'ai pas de follow-up. C'était une très bonne. Des très bons jeux suivis d'un malaise. Ouais, tu sais. C'est de même qu'on roule ici à la jasette. Ouais. On carbure sur le malaise. Ouais. Parlant de malaise, non, pas parlant de malaise du tout, mais cette semaine, Carey Price, parce qu'évidemment, le NHL est encore à l'encart, on n'a pas d'autres nouvelles là-dessus cette semaine. Ben, y a eu As-tu des reprises... développements? Moi, j'en ai pas. Là. Ben, il y a eu des reprises de négo cette semaine dans la NHL. OK. Je dis la NHL comme si c'était en français dans la NHL. La LNH. La LNH. Et là, selon selon Bettman... Ben, la balle est dans le camp des joueurs. Parce mais la balle est tout le temps dans le camp des joueurs, ben, selon Bettman. Ben là, c'est parce qu'eux autres, ils ont des choses à évaluer avant de revenir, mais c'est Bettman, dans le fond, la Ligue a donné comme aux joueurs, bon, nous autres, on vous donne ça, et faites vos devoirs, puis revenez-nous quand vous voulez reparler. T'sais. Fait qu'ils ont ouvert les négociations quand même. Mais selon Donald Fair, il y a encore bien de la job. Ouais. Puis ça a l'air qu'ils seront pas près d'une entente. Ben, en tout cas... Là, ça, c'est pas bon. Est-ce qu'ils peuvent... Mais ça faisait longtemps qu'il y avait pas beaucoup... dans les dernières semaines, il n'y avait pas parlé beaucoup. Ouais, ouais. Puis là, c'était la première fois qu'il était vraiment intense. Ça a été 4 jours de négociation. Mais ben là, on le sent, là, qu'ils vont annuler la saison. Là. Pourquoi ils font juste pas l'annuler tout de suite? Puis ça crée nous patience. Puis arrangez-vous avec vos chicanes de millionnaires de votre côté. Là. Ben, parce qu'ils veulent pas, je sais pas, ils veulent pas mettre tirer à serviette, genre. Ouais, ben, ils annulent tout un après l'autre, les mois, puis la game extérieure, puis... Ouais, mais la game extérieure, t'sais, en même temps, ça n'empêche pas d'avoir une saison. C'est, non, c'est, juste c'est sûr. Parce que c'est un gros événement. Mais penses-tu vraiment qu'il reviendrait pour une demi-saison? Ouais. Ouais? Ouais. Parce que c'est payant. Ah, ben ça, j'avoue. Faudrait puis, c'est puis, pas que... puis pas juste que c'est payant. T'es mieux d'avoir une demi-saison qui va te rapporter moins d'argent, mais qui va t'en rapporter, mais qui va ramener tes fans. Ouais, ouais. Parce que si tu les éloignes... En tout cas, ça, c'est parce qu'on s'embarque dans une grosse affaire, là, mais aux États-Unis, il y a bien des places que c'est pas... Ça pogne pas le hockey, là. Ah, ça commence à pogner, là, à des places. Comme, mettons, l'année passée à LA, là, ça pognait, là. Mais c'est sûr, les Kings étaient en feu. Là. Oui, mais ça fait peut-être une couple d'années là, que ça pogne. Enlève à des teams de même une année sans hockey au complet. Ils vont être oubliés. Ils vont perdre l'intérêt. Ouais. C'est clair, là. C'est pas un sport qui est encore assez populaire pour garder les fans. Fait que s'ils font ça, c'est fini. Mais peut-être que le fait qu'ils aient fait 24-7 l'année passée et mais... qu'ils ont fait des shows de même, ça a mis du nouveau fanbase aussi. Là. Mm. C'est pour ça que c'était un peu en nouvelle popularité, le hockey aux États-Unis, ouais, c'est certaines ça, places. Là. En tout cas, ils ont pas intérêt à annuler la saison, mais moi, de la manière que je vois ça, puis les négociations, de la manière que ça avance, ça n'a pas la partie pour être réglé. Là. Ouais, ben au moins, ils en parlent. Là, ils ont décidé que les deux côtés ont décidé qu'ils n'en parlaient plus autant, aussi ouvertement dans les médias. Ils ont décidé que... Ben, c'était ridicule un peu aussi. On n'a pas besoin de tout savoir ça. Là. Ben, c'est ça. Il laisse couler moins d'informations, puis il s'arrange pour en dire moins. Puis je pense que c'est mieux comme ça. Ça va peut-être être plus facile là, pour négocier. Ça va pas mettre de pression sur un clan versus un autre. Pas, mettons, dire « Ah, oh, ben, c'est de la faute aux joueurs. Ah, oh, ben, c'est de la faute à la Ligue. Ben, » Négociez vos affaires, arrangez-vous, puis that's it, réglez le conflit. Puis pendant ce temps-là, évidemment, les joueurs de la Ligue nationale se cherchent de quoi à faire. Il y en a qui jouent au hockey, il y en a qui vont passer dans l'antichambre. Mais oui. Comme Carey Price cette semaine qui était passé. Carey Price, Georges, tout qui est passé. Oui. Je voulais parler de Carey Price parce qu'il y a eu rencontre des grands. Rencontre des grands. Rencontre entre Carey Price et Patrick Roy. Oh! Puis, une idole? Oui, une idole de tous. Clin d'œil et tout. Là. Puis à la fin de l'épisode de l'émission de l'Antichambre, dans le fond, Roy a donné un conseil avant de partir à Carey Price. Ouais. J'ai un extrait audio de ça. Okay. Alors, on écoute ça puis on vit. Jamais douté de ses habiletés, de son talent. Puis de toujours. Moi, il y a eu des occasions où j'ai douté de moi. Puis on devient à ce moment-là notre pire ennemi. Fait que ce que je dis à Carey, never have a doubt on the way you're playing. Always trust yourself. Fait qu'il dit à Carey Price de jamais douter de ses capacités et de la manière qu'il joue, peu importe ce qui arrive. Roy, il dit qu'il y a eu souvent, lui, des moments de douter dans sa carrière, puis je peux le comprendre. On a tous connu la carrière de Patrick Roy, je pense. Oh, il y a eu des hauts et des bas. Ouais. Et il y a toutes sortes de péripéties. Puis, en tout cas, c'était le conseil que Roy a donné à Price. C'est un conseil correct. Là. Puis après ça, Price, il dit... C'est propre. Il dit oui, c'est déjà arrivé des fois que j'ai douté de moi devant le filet pendant des matchs ou des affaires comme ça. La meilleure affaire qui est arrivée à Price, c'est Yaroslav Halak. Ouais, parce que ça l'a challengé. Puis ça parce fait... que c'est la première fois que... Puis il l'a dit lui-même, il dit c'est la première fois que j'étais deuxième gardien. Ouais, il a senti que son poste était en danger. Il a senti aussi. Que... C'était la première fois dans sa carrière depuis qu'il est jeune... qui était numéro 2, qui était pas mais le c'est premier. Vrai, pendant les séries, c'était Halak qui était dans les goals, puis ouais, c'est vrai. Fait que c'est la première fois, puis c'est la meilleure chose qui est arrivée, parce qu'après ça, il a fallu qu'il fasse non, mais c'est bon, ça l'a brisé un peu, puis tu peux pas surfer sur ta réputation non plus, parce qu'à un moment donné, tu progresseras plus. Puis c'est un peu comme Subban, mais là, on n'embarquera pas dans... Non, de toute façon, il n'y a pas de saison, il n'y a pas de raison d'en parler pour l'instant. Subban donne la météo présentement. Ah, oh, et puis il fait des petites tapettes. Il est écœurant, lui, en tout cas. Hey, cette semaine, une arrestation d'un joueur des Alouettes. Bon. C'est qui? Le plaqueur défensif Ventrell Jenkins. Tu sais quelle position, ça? C'est plaqueur défensif. C'est le gars qui est en arrière puis qui plaque. Moi, là, je comprends les jeux, genre, puis j'aime ça, là, mais tu m'as pas te dire qui est placé où. Je suis pas bien placé pour te dire que je connais bien ça, anyway. Bon, il a été arrêté mercredi pour violence conjugale dans le comté de Lexington, en Caroline du Sud. Bon. OK. Bas sa femme, le beau Coralis. Qu'est-ce qu'il faisait là-bas? Il doit rester là, lui. Je sais pas. C'est quoi, il reste en Caroline du Sud, puis il joue une game par semaine il au Canada. Il y a une villa, puis c'est là qu'il bat sa femme. Là. il va là la fin de semaine battre sa femme. Il appelle ça la villa des femmes battues. Là. On va avoir la Ligue des femmes battues sur le corps. Coralis. Hey, on n'encourage pas ça en passant. Juste non. Un peu. Non. Non. Non, non, non, pas du tout. Samedi prochain, le 17 novembre, sera le grand retour de GSP, Georges Saint-Pierre. Bon. Va se battre contre Carlos Condit. Carlos Condit. Ben non, mais je suis bien content. J'ai hâte de voir ça. Ouais, ben j'ai là. J'ai vu Saint-Pierre aux nouvelles. Là, à RDS, il montrait des extraits de son entraînement public. Oh! Puis il est allé full out, là, puis les kicks rentraient. Puis ah, j'imagine qu'il doit être. Il frappait avec les kicks de son genou qui s'est fait opérer, puis ça tapait, là. Il a l'air d'être assez remis de sa blessure. Ben, il dit que honnêtement, ben, tu sais. Il n'ira pas dire le contraire. J'ai mal un peu au genou. Vraiment, ouais, non, c'est ça, c'est vraiment épais. Ouais, écoute, c'est pas à 100%, mais je me sens prêt. Ah, je me sens prêt. J'espère qu'il ne me kickera pas dans le genou. Je vais attaquer drette, là. Ah ouais, tu sais, c'est ça. Mais il a dit que son genou était probablement mieux qu'avant, mais ça se peut. Ça se peut pour vrai, parce que s'il s'était blessé au genou, ben ça se peut qu'il soit revenu complètement. Là, eux autres, ils ont des physios débiles mentales. Non, mais ils sont suivis au bout. Ils sont suivis en fou, là. C'est pas pareil comme, mettons, un toi et moi, qu'on n'a pas de physio qui va nous suivre en débile mental. Pis, on peut, mais on va se ruiner à ouais, le faire. Eux autres, c'est sont payés pour ça. Mais c'est leur job, eux autres. Là. C'est pour ça, tu sais, de moi, l'entraîneur personnel tout le temps, non-stop. Ben ouais, il m'a donné des kicks, moi aussi. Là. Mais il y a un gars à mon gym qui, avec qui je m'entraînais des fois, puis tu sais, j'ai déjà. Tu sais, je veux dire, un gars que t'as spoté. Non, un gars que je parlais avec souvent, là, okay. C'est comme un chum, dans le fond, là, je veux dire, on a déjà été tous super au restaurant, en gang du gym, là, un moment donné, là, puis il était là, genre, puis, tu sais, il fait du MMA, puis il a commencé, il s'est blessé, il y a 2 ans, à un genou, puis il a recommencé récemment, là, il a signé pour Bellator, son nom, c'est Guillaume El Toro De Lorenzi, okay. Puis il a fait un combat, puis il a gagné. Puis lui tout, il était opéré au genou, puis un peu la même affaire que GSP. GSP. Puis, tu sais, il est jeune, là. Fait que, tu sais, ça peut reprendre, ça peut être solide. Faut juste que tu le fasses de la bonne façon, là. Ouais, faut pas que tu rushes ton retour, là, quand non, c'est ça. Faut que tu y ailles. Tu y ailles. Comme ça. Tu sais, faut pas que tu fasses un Markov, là. Tu sais. Non. Si tu fais un Markov, là, chez le gars, je te parle, ça a pris 2 ans avant qu'il retourne. Ouais. C'est de la patience pour eux autres, par exemple, là, pendant ce temps-là. Ben, lui, man, il fallait qu'il travaille entre-temps. Là, non, parce c'est que ça. C'est pas tout le monde qui fait du combat. Je suis pas sûr que Georges Saint-Pierre avait un travail à temps partiel pendant qu'il était blessé. Ben, c'est ça. Ça, c'est pas pareil. Là. Lui, il est à un niveau ailleurs, là, c'est ça. Lui, il est dans des jeux vidéo à sort GSP. Fait que, tu sais, rendu là, je pense que t'as pas besoin d'avoir une job secondaire. Non, c'est ça, non. Fait qu'elle n'a pas manqué. On essaiera d'avoir Guillaume sur le podcast après ça pour venir nous parler de ce combat-là. Ben oui. Notre spécialiste j'ai MMA. J'ai hâte de voir ça. Ouais, moi aussi. J'ai hâte de voir ça, ça peut être. On n'a pas manqué le 17 novembre, donc samedi prochain, pour ceux qui écoutent le podcast durant la semaine. Oh. Si vous êtes après le 17 novembre 2012, désolé. Ben, il a peut-être gagné. Écoutez notre épisode après, on va vous dire le résultat. On va vous dire qu'est-ce que c'est pas. On va vous dire c'est quoi se passer. Aïe, ah, il en fait plus jamais ça. T'as-tu d'autres nouvelles de sport? Non. Bon, ben regarde, on va passer à la section qu'on aime détester. Ouais. La politique. Yes! Politique, c'est cette semaine, elle est séparée en deux volets. Politique québécoise et politique américaine. C'est le fun, politique. Bon, j'aime ça. Mais j'aime les détester, ces sales politiciens de merde. On va en parler pendant une demi-heure pour rien. Là. Ouais, c'est ça. Juste pour être en tabarnak. Mais là, je vais prendre quelques jours de repos, puis je vous souhaite une bonne fin de semaine. Bon, tu vois, Gérald, il dit de prendre quelques jours de repos et de passer une bonne fin de semaine pour se relaxer. Ben, Monsieur Tremblay... On va commencer par lui. Il a démissionné. Celebrate good time. Come on! Ah, tu vois, faudrait peut-être l'avoir, ce son-là, dans notre... Ben oui, on l'a pas dans notre soundboard. On va l'acheter la semaine prochaine. Boo Earns. Je prends ça en note. Celebrate dans ton soundboard. Come on! Fait que Gérald Tremblay a démissionné cette semaine. Bon... Finalement? Ben, c'était prévisible, là. Ben là, avec toutes les allégations puis la pression. La soupe a commencé à être chaude. Ouais, monsieur se faisait suivre, là, puis tout, là. Fait que. Il a démissionné. Puis, ouais. Il a fait un discours qui sonnait comme s'il était dans une église. Parce qu'il y avait comme un petit peu de reverb. Et je propose qu'on écoute une partie de son discours. Allons-y donc. Je fais donc ce que je considère être pour moi. L'ultime sacrifice, mon dernier acte d'amour dans l'intérêt supérieur de Montréal. Je n'ai jamais été présent à une rencontre dans les locaux électoraux d'Union Montréal à l'arrondissement Saint-Laurent en 2004, où j'aurais pris connaissance d'une double comptabilité. À vous qui semble comme un prêtre dans une église. Bienvenue. Ceci sera mon dernier acte d'amour. Bienvenue, mes frères. Aujourd'hui, nous allons célébrer le Christ. Non, mais c'est quoi ça, ce discours-là? C'est n'importe quoi. Ceci est mon dernier acte d'amour pour Montréal. Asti, tout ton parti est corrompu, là. Prenez ceci, c'est mon cash. Voici mes enveloppes brunes livrées pour vous. Prenez-en tous et allez en paix. Voici mes enveloppes brunes livrées pour vous. Wow! Fait que là, il va prendre une bonne fin de semaine de repos, Gérald, puis on aurait pu entendre parler. Il y a Michael Applebaum. Ouais. Qui est un peu, je pense, le numéro 2. Comme, ouais, mais lui, il était gris. Pour Montréal. Il est pas content. Ben, lui, il a démissionné. Parce que c'est pas lui qui va être par intérim le maire de Montréal. Lui, il dit qu'il y a un rapport secret de 2004 qui fait l'objet d'une opération de camouflage par Union Montréal. Oh! Fait que Union Montréal cache un rapport de 2004 qui pourrait être pas catholique. T'es un peu... Concernerait quoi? C'est louche. On se dit que ça concernerait? Non. Bon, mais si on a plus de détails un jour, on vous en reparlera, mais... Fait que c'est ça. Michael Applebaum. Il a démissionné. Fait qu'il est parti. Le numéro 2 est parti, puis le numéro 1 est parti aussi. Fait que là, il reste le numéro 3. qui est... j'ai pas son nom. Fait que c'est une médaille de bronze, ce gars-là. Non, mais c'est pas une mesdame qui est là. Mesdame? Ouais, non, c'est qui remplace Tremblay, là, présentement? Il a juste pas de maire à Montréal. Qu'est-ce qui se passe pendant ce temps-là? Est-ce qu'on a pas plus d'informations que ça, nous autres? Est-ce que... non. Bon. Mais c'est ça, qu'on n'ait pas plus d'informations, ça c'est très fort probable. Bon, on pourrait en avoir sur l'iPad, mais on se donnerait même pas la peine, je pense. Non, on va tout défendre notre soundboard. Parce que nous autres, ce qui nous importe, c'est les démissions, parce que les démissions, ça s'arrête pas seulement à Gérald Tremblay. On va avoir une deuxième tablette. Ouais, on va s'acheter une Surface de Microsoft. le maire Vaillancourt. Ouais, un autre beau crotté. Qu'est-ce qu'il a fait, le beau maire de Vaillancourt? Cette semaine, il est revenu de son mutisme. Là. Il était fatigué, puis il se reposait, puis il fallait qu'il fasse de la réflexion. Puis il est revenu, puis lui aussi a démissionné. Oh! Après 21 ans, je pense, 22 ans. Là. Combien de temps qu'il est là, lui? Oh, ouais, ouais. Une bonne vingtaine d'années. Une vingtaine d'années, si c'est pas plus. Ben, il a démissionné, lui, puis lui aussi, il a fait un beau discours. Bon, il était dans une église, lui, tout? Non, lui, ce n'est pas comme dans une église, mais lui, il se considère comme une victime. Ah, ben oui. Alors, je vais peser sur le beau carré blanc avec son son. Tu vois, je les ai mis dans des carrés blancs parce que les deux mères... Sont blancs comme neige. Sont blancs comme neige, les deux mères. Non, mais tu savais pas que c'était une victime? Ben là, je l'ai appris. Écoute, il m'a eu. Toutes les perquisitions qu'il y a eu, là, c'est injustifié. Non, non, mais c'est toutes des allégations pas vraies. Regarde, on va écouter ce qu'il dit, on en reviendra. Aujourd'hui, je m'adresse à vous pour la dernière fois. Comme maire de Laval. J'ai en effet décidé de quitter mon poste et de me retirer définitivement de la vie politique. Comme société, nous vivons actuellement des moments très difficiles, des moments pénibles, alors que tous les élus, à quelque niveau que ce soit, sont accusés de tous les maux. Nous entendons toutes sortes de choses, nous faisons face à des allégations qui, sans être prouvées, altèrent de façon irrémédiable la réputation des gens en qui vous aviez placé votre confiance. Je suis une de ces personnes et je suis profondément blessé. C'est une de regarde, ces personnes. Écoute, si t'es profondément blessé, ben t'essuieras tes larmes avec tes billes de sang dans tes coffres qui ferment plus. Ah ouais, c'est ça. Le maire Vaillancourt qui démissionne. Hey. Non, mais c'est une victime. Fait que là, ouais, c'est une victime, c'est des fausses allégations. Toutes les perquisitions qu'il y a eu chez eux, c'était pas contre lui, là. Lui, non. C'était pas prouvé. Voyons donc. Il y a rien qui était rien. Vrai là-dedans, là. J'ai rien fait. Fait que là, ça fait 2 sur 3, là. Ils sont beaux, non? Dans les maires qui démissionnent. Ouais. Il reste le maire de Mascouche, là. Mascouche? Ouais. Il a démissionné, lui? Ben, ça serait souhaitable, je pense. On a eu Charest aussi, fait que... Ouais, mais lui, il a pas démissionné. Il a déclenché des élections, puis il savait très bien qu'il ne reviendrait pas, je pense. Bon, je pense que c'était joué. Les cartes étaient jouées. On a tellement parlé, là. On a parlé. Ah, toute autre chose, toi, concernant la politique québécoise. Politique québécoise, non, j'ai rien. Passons d'abord à la politique américaine. Élection présidentielle. Tu sais que notre opinion politique américaine compte ici au Québec. Ben oui, c'est important. C'est important. On a un droit de parole. Oui. Et on va l'exprimer. Oui. Mais présentement, on va vous dire pourquoi c'était bon et pourquoi c'était pas bon. Et oui. C'est ça. Ben premièrement, non. Je suis pas d'accord. Ouais. T'es un menteur. Flou, flou, c'est flou. Des informations floues. Non, non, mais les élections présidentielles aux États-Unis, GF. Ouais, ouais, ouais. Première chose, avant d'aller plus loin dans les dans ce qui s'est passé, as-tu vu ça? Ah oui, j'ai vu ça. Les... T'as vu ça, hein? J'ai vu ça, certain. J'ai tout vu ça. Bon, ben, on n'a pas besoin d'en parler. Fait qu'on passe à l'autre sujet. Ouais, l'autre sujet. Non, mais... les votes, c'était fait par écran touchscreen. Oui. Puis, il y a des votes pour Obama qui étaient changés pour Romney. Fait que tu pesais sur le touchscreen avec ton doigt. Puis là, ça sélectionnait, mettons, tu pesais sur Obama. Puis là, ça sélectionnait Romney. Ouais, fait que le monde qui était pas vigilant sélectionnait Obama puis pouvait avoir sélectionné puis Romney. J'ai vu une vidéo, puis tu vois clairement la personne appuyée sur Obama. Ouais, ben c'est un... Romney sélectionne. C'est une histoire qui sortit de je sais pas où, là, mais le gars, il fait un article puis il disait... Il a tout décrit son histoire puis il a dit... Après, quand j'ai vu ça, j'allais le dire à la, au préposé. Puis on dit, ah, yeah, c'est pas grave, c'est pas grave. Puis il est retourné le faire puis là, il a filmé vraiment que... La machine était défectueuse. Et on dit c'est pas grave. Ouais. C'est grave de dire c'est pas grave. Oui, c'est grave de dire c'est pas grave. C'est. Ben voyons donc, c'est n'importe quoi ça. Ben juste que ça marche pas bien, c'est n'importe quoi, point. Mais hey, c'est pas pour lui, je veux voter, c'est pour l'autre. Là. Ouais, c'est ça. Ouais. Fait qu'Obama. Obama a passé. Il a passé. Ça va lui donner la chance de peut-être réussir à faire des choses qu'il n'a pas réussi à faire comme ben là, un autre 4 ans, au moins, ça lui donne, le, comme tu dis, le temps de faire d'autres choses. Là, de, mais d'y aller plus en profondeur ben, sur, c'est ce, ça, qu'il sur faire. Ce qu'il voulait faire. C'est ça. Sûr que sur 4 ans, tu n'as pas le temps nécessairement de faire grand-chose, plus de ramasser les dégâts de l'autre gouvernement d'avant. Là. OK, mais là, ça, c'est vraiment fucké. Parce que Obama est président. Ouais. Le Sénat est démocrate, mais la Chambre des représentants est républicaine. Fait qu'ils sont dans le même scénario quasiment qu'ils étaient avant. Ouais. Fait que ça veut dire que faut que les républicains embarquent dans les idées des démocrates parce que sinon ça avancera pas plus. Fait qu'ils sont pognés un peu comme nous autres au Québec. Ouais, là, c'est ça. Ils sont minoritaires dans le fond un peu. Là. C'est un peu le même genre. Là, fait qu'ils peuvent pas faire n'importe quoi. Ils sont pas libres comme à tous les niveaux. Là. Fait que dans le fond, ben sauf que là, peut-être que ça va plus répondre du côté des républicains, parce que là, ils faisaient ben c'est un mandat là, de 8 ans, là, fait que quand tu calcules ça, fait que il passe, après ça, c'est sûr que c'est plus Obama. Ouais, ça, ben ça, là, après ça, c'est un autre vote, là, ça va peut-être les républicains ou démocrates, ça change là, tout mais... au complet, là, fait que c'est différent. Fait que peut-être qu'ils vont plus embarquer dans certaines idées, là, mais on va voir. Alors Obama, grand orateur qu'il est, il a fait un discours à sa victoire des élections. Ouais. Puis il a fini ça. Hey, à un moment donné, il a quand même félicité Romney. Là. Oh, mais Obama, c'est un bon. C'est un bon Jack. Il boit de la bière de la Maison Blanche. C'est un bon Jack. C'est un gentleman. C'est un. Tu sais, c'est un funny guy. Ouais, mais c'est un gars qui. C'est un gars qui est bon, justement, c'est pour un s'exprimer. C'est un bon orateur. C'est le mot. Mais tu sais, il a dit qu'il faut remercier la famille Romney, eux autres, la manière qu'ils ont trouvé d'ordonner aux États-Unis, c'est de s'impliquer dans les travaux publics un peu, puis d'être dans la politique, puis de se faire ça. Fait que faut quand même saluer leur effort d'être là. Il faut saluer les Mormons. Oui. Mais, The Book of Mormons. On en reparlera de Book of Mormons. T'aurais-tu vu ça, un Mormon président des États-Unis? Je sais pas, mais il me semble que... Je sais pas, là, c'est... Je suis pour que chacun aille son... Il est de Salt Lake City? Ah, oh, sûrement, là. Non, il vient du Massachusetts. Il doit être bien chum avec Joseph Smith, là. Ouais, ben, donc, Obama a fait un discours. Et il est allé sur une genre d'envolée là, patriotique à la fin, puis je propose qu'on écoute la fin de son discours de victoire des élections. It doesn't matter who you are, or where you come from, or what you look like, or where you love. It doesn't matter whether you're black or white or Hispanic or Asian or Native American or young or old or rich or poor, able, disabled, gay or straight. You can make it here in America if you're willing to try. Alléluia! Alléluia! Jesus! Ça faisait genre preacher, c'est man. C'est vrai, ça sonne c'est preacher. C'est fou, mon gars. Mais est-ce que c'est la première fois qu'un président dit quelque chose du genre comme moi, j'aime gay, la partie straight. Gay or straight, là. Able or disabled. Ouais, handicapé ou pas, riche ou pauvre, tout le monde, si vous voulez, vous avez votre place dans l'Amérique. Mais c'est ça, sa force, man. Ben, au moins, c'est un discours rassembleur. C'est ça va chercher tout le monde. Puis ça, c'est parfait là, pour une victoire, tu sais. C'est ça que tu veux entendre, là. Tu veux pas aller, je sais pas. Moi, je trouve ça drôle. Faire des statements ou. Là, il y a souvent. Tu vas chercher tout le monde. Il y a tant les réactions après ça, des événements comme ça politiques que tu vois sur les médias sociaux. Puis. Je trouve ça drôle le monde qui sont comme. Ah, brave, tu sais, ah, Obama a passé, mais soyez pas berné. C'est aussi pire que Romney. Puis blablabla. Je suis comme, hey, Chris, là. c'est un ou l'autre, là, de toute façon. Là, ils ont pas le choix. Ouais, c'est ça. Puis, de toute façon, notre opinion politique américaine compte tellement au Québec. Oh, ouais, ouais, c'est ça. On a un point, nous autres, là. Ouais, on a tellement un point. On a un impact. On est certain. On a un impact. Fait que il y a eu des tweets post-électoral. Mm-hmm. Le mot qu'on aime dire ici à la Jazette. Post-électoral. Post-électoral. Post-électoral. Ouais, j'ai une étude qui a vérifié les tweets racistes. Ouais, j'ai ça, moi aussi. Ouais. C'est bon, on s'est pas parlé, puis on le voit. Ça, c'est une étude qui vérifiait les tweets racistes. Qui venait de quel état, dans le fond, c'est ouais. ça? Ils ont sorti des statistiques, justement, sur les tweets. Sauf que ce qu'ils mentionnaient dans l'étude, c'est que ça se peut qu'une personne qui tweet beaucoup soit vraiment actif, qui ait fait beaucoup de tweets par rapport à ça. Oui, mais c'est les tweets, point. C'est les tweets en général. Fait que ça se peut que, mettons, dans un état, il y a une personne qui a fait 100 tweets ce soir-là, ben, tu sais, lui, c'est sûr qu'il a fait monter pour son état, là. Fait ouais, que, c'est ça. Mais c'est quand même où est-ce qu'il y a le plus de tweets racistes. Alors, les deux États les plus racistes, le Mississippi et l'Alabama. Ouais. L'Alabama, je pense, c'est le plus raciste. Je suis quasiment surpris. Ouais. Après ça, t'as la Georgia. Ouais. North Dakota. Ouais, Dakota du Nord. Le Utah. L'Utah. La Louisiane. Le Tennessee. Le Missouri. Ouais. Le West Virginia. Minnesota, Kansas, Kentucky, Arkansas, Wisconsin, puis là, après ça, ben c'est de moins en moins. Là. Les États les moins racistes se situent sur le nord et la côte ouest américaine. Ah ouais? Là, il y avait presque ou pas du tout de tweets racistes. Fait que proche de la frontière américaine-Canada, puis la Californie, puis tout le côté ouest, dans le fond. Bizarrement, le Montana, l'Idaho, le Wyoming et South Dakota ont pas eu de tweets du tout. Eux autres, ils tweetent pas là-bas. Eux autres, ils tweetent pas, man. Eux autres sont pas là. Ils savent même pas c'est quoi, man. Hey, puis t'as l'air d'être pas là. Je sais pas si ça a rapport avec l'élection d'Obama, mais le Colorado légalise l'usage récréatif du cannabis. Mm-hmm. Ou vont-ils le faire? Ben ça, ça passera pas parce que le fédéral va pas l'accepter, dans le fond. Fait que là, ils ont déposé un projet de loi, c'est... Faudrait que l'État se batte, genre, pour... Que le fédéral accepte que dans cet état-là, ça passe. Parce que c'est une loi fédérale, ça, le cannabis, je pense. C'est régi par le... Une offense fédérale. Par le pays. Pas une... C'est pas régi par le... Parce qu'aux États-Unis, t'as des lois qui sont régies par l'État. Puis t'as des lois qui sont régies par Ouais, mais en Californie, ils n'ont pas des gens de... Pas des pothouses, là, mais des places que tu peux acheter ton cannabis légalement si t'as un papier. Là, ça doit être régi par l'État, ça. Ça doit être régi par... Non, mais à ce moment-là, c'est ça, je te dis, ils ont des lois qui sont fédérales, puis ils ont des lois qui sont par État. OK. Les state laws, puis les federal laws, dans le fond, là. Federal law. Fait que, tu sais, c'est comme... Le fédéral, ça passera pas, fait que... Ouais, mais ils vont le bloquer au fédéral, probablement. C'est ça, en tout cas, j'ai bien hâte de voir ce que ça va donner. Ça a l'air que, pour l'instant, ça réfère... Parce que, c'est fucké les élections aux États-Unis, là. Ouais. Eux autres, là, quand ils vont voter pour le président, là, ils votent pour plein d'affaires. OK. Ils votent pour... Hey, ils votent même pour le shérif, ils votent pour tous les sénateurs, tous les gouverneurs, ils votent pour... Ah ouais. Il y a plein de référendums. Fait qu'eux autres, là, quand ils vont voter, là, c'est attache ta tuque, ça prend pas genre 30 secondes, tu fais un crochet à une place, puis tu redonnes ton papier, puis c'est fini. C'est comme des référendums en série qu'ils font. Eux autres, là, ils ont plein de questions. C'est qui le président? C'est qui le shérif? Ah, c'est qui telle affaire? C'est qui telle affaire? C'est qui va faire ça? T'as des référendums sur des questions par état, comme la Floride, je pense, avait, mettons, 13 référendums différents. Fait que t'as 13 questions, faut que tu répondes. Wow. Si t'es d'accord ou pas, mettons. Je suis d'accord. C'est vraiment fou. Mais en même temps, tu vas voter. C'est pas pire parce que ça donne. C'est une shot, tu vas voter, c'est long, mais c'est une shot aux 4 ans, tu vas voter. Tac. Mais c'est pas pire parce que tu peux avoir l'opinion de la population sur plein d'autres sujets que juste le président en faisant ça. C'est même ouais. C'est pas fou. Ben ouais, c'est pas fou pantou. Ah, pourquoi on mais fait pas c'est ça, long ça? Voter, là. Ouais, mais on pourrait le faire au Québec, me semble. C'est pas obligé d'être plus long, là. Tu fais 2-3 questions de plus au pire pour commencer à l'essai. T'sais. Ouais. Ah, tu sais, s'inspirer des autres là, dans de la bonne façon au Québec. Ouais. Mais il y a eu tout, une autre étude qui a été faite. Ah oui. Le top 10, c'est. On aime ça, les top 10. Les meilleurs et les plus et les moins. Les états les plus et les moins éduqués. puis comment ils ont voté. OK. Fait que les plus éduqués, les 10 États les plus éduqués ont tous voté pour Obama. OK. Et là, on parle en première position, puis là, je vous ai donné dans l'ordre de 1 à 10. Avec 39,1%, dans le fond, ils ont calculé ça, là, c'est personnes âgées de 25 ans ou plus avec un college degree, genre, avec un niveau collégial ou plus. Fait que le premier, c'est le Massachusetts, le Maryland, le Colorado, le Connecticut, le Vermont, le New Jersey, la Virginie, le New Hampshire, New York puis le Minnesota. Ça, c'est les États les plus éduqués en pourcentage. OK. Ils ont tous voté, ces États-là, pour Obama. Les worst educated, et là, on parle que ça part, le numéro 1 part à 18,5% jusqu'à 23,8% pour le 10e, ont tous voté pour Romney, sauf un État qui est numéro 7, qui est le Nevada, qui a voté pour Obama. OK. C'est qui l'État le moins éduqué, c'est le moins éduqué, c'est West Virginia. Okay. Mais la Virginie est d'un top éduqué. Mais West Virginia, c'est pas éduqué. Le Mississippi... Fait qu'il éduque tout, sauf l'Ouest. Ouais, l'Ouest, Virginia, c'est pas éduqué. Ça. Nous autres, on veut rien savoir. On gardait ça de l'autre bord. Mississippi, Arkansas, Kentucky, Louisiane, Alabama. Tu sais, en tout cas... Indiana, Tennessee, Oklahoma. C'est toutes les mêmes places qu'il y a eu les tweets racistes. Oui, c'est ça. C'est tous des États redneck. Genre. Les rednecks, pas d'éducation. Ah, boy. Ça en dit long. Pas pareil, hein? Ça en dit long sur l'éducation, à quel point c'est important. Hein? Vive Internet pour tous ces détails-là. Ces détails qu'on aime savoir et qu'on aime vous donner. Mais, hein, man. Ouais? Ouais. C'est tout pour politique, dans ce jour? Non, moi, j'ai... That's complete. Mais je pense que Maire Tremblay vient d'arriver. Puis non, mais ex-Maire Tremblay. Ouais, feu Maire Tremblay. Et là, je vais prendre quelques jours de repos, puis je vous souhaite une bonne fin de semaine. Ben, bonne fin de semaine. Il faudrait essayer de l'engager, le Maire Tremblay, pour qu'il fasse un passage plus récurrent à la jasette. Ah ouais, d'après moi... On pourrait essayer de recueillir ses commentaires sur une base régulière. Ouais, d'après moi, il va être présent avec nous, et je pense qu'il va avoir de plus... Il doit avoir du bon wisdom à nous donner. D'après moi, il va être plus volubile dans les prochaines semaines. Il doit sûrement être plein de conseils, plein de ressources. L'ex-maire Tremblay. Ah, c'était du bien dire ça. L'ex-maire. Denis Coderre, cette semaine, a fait un souper spaghetti. Oui. Je l'ai pas dans mes notes, là, mais oui. je te dis ça de même à la volée. Là. Ah, shoot-moi donc ça de même à la volée. Ben, il a encore pas dit qu'il se présentait. Volée en me shootant ça de même. Non, non, mais je vais te frapper avec un spaghetti. Là. Ah, c'est une longue affaire de piscine. Là, ça, c'est violent, ça. Un spaghetti de... En tout cas. On s'en va où avec ça? Je sais pas. On s'en va vers une autre section de barre de nouvelles. OK. Je remets mes feuilles droites. On revient à bon port. Techno? Ouais, vas-y donc, techno. J'ai rien en techno. Fait que vas-y. Techno? Nouvelle de GTA 5. Oh! On est content d'avoir ça. Quelques scoops qui sont sortis. En fait, qui vont sortir dans la prochaine édition du Game Informer, mais il y a eu des leaks. Il y a tout le temps des leaks partout. Les leaks, c'est de la pub à ce temps. Il va avoir trois personnages jouables. Ah ouais? Oh, une première. Michael, Trevor et Franklin. Ça va être possible de changer de personnage facilement pendant une mission. Ça va offrir différentes perspectives du jeu. Dans le fond, tu vas pouvoir être comme un personnage ou l'autre pendant la même mission. OK. Tu vas pouvoir changer. Puis ils vont chacun avoir leur force. Ils ont toutes des habilités différentes. Fait que c'est un bout compris. Tu fais un bout de mission avec un personnage, puis après tu switches pour une autre habileté avec un autre personnage à côté. Comme, mettons, un moment donné, il donnait un exemple. Si tu es dans un hélicoptère, dans une mission à la fin que tu arrives, tu t'en vas dans un hélicoptère, ben tu as le choix. Tu peux prendre un personnage qui va piloter, tu peux prendre le personnage qui va shooter du sniper ou le personnage qui va shooter de la mitraillette. Ah, ça donne tu peux choisir. Ben ça, juste ça leur donne une bonne valeur de rejouabilité après. Mais ça. Mais parce que tu peux décider de faire tout le temps le même personnage quasiment, puis après ça de... Ou de varier, d'essayer d'autres choses. Puis... Ah. Los Santos, qui va être la ville qui va être jouable, qui va être dans le fond... Qui est une ville qu'ils ont déjà faite, me semble. Ouais, ça c'est déjà connu. Ouais. Ça va être la plus grosse map de toute l'histoire de Rockstar. Juste pour te dire, ça a l'air que ça va être plus gros que Red Dead Redemption, GTA 4, GTA San Andreas, combiné. Oh, yeah. Moi, je suis vendu. Il va y avoir des événements dynamiques un peu à la Red Dead Redemption. OK. Fait que tu vas te promener à quelque part, il va y avoir de quoi qui va se passer dans la ville, tu vas pouvoir participer à ce qui se passe. Faire une genre de, pas une side mission, mais comme un, des événements un des peu random. Des événements dynamiques, ouais, vraiment, là, c'est ça. Qui arrivent au fil ouais. du temps. Ça fait que ça, c'est vraiment cool. Ça, c'est... Moi, j'adorais ça dans ça Red Dead Redemption. Ça fait vivre la ville un peu plus. Dans encore. Red Dead Redemption, là, je pouvais partir des fois, là. Je me disais, OK, je m'en vais faire telle mission, je partais vers un point. Puis en route, là, je rencontrais des animaux, fait que je chassais. Je rencontrais des événements dynamiques, fait que je les faisais. Puis finalement, genre, j'arrivais pour jouer ma mission, puis il était rendu tellement tard. Puis ça faisait genre une heure et plus que je jouais à faire plein à faire n'importe quoi, que je jouais plus finalement. Je faisais, tu faisais juste être dans le sandbox un peu. Carrément. Fait que ça, j'aime ça. Ouais. J'ai hâte de voir ça. Puis en tout cas, il va avoir un in-game smartphone. Fait qu'à cette heure, ton téléphone cellulaire, ça va être un smartphone. Fait que okay. tu vas aller sur le web, sur ton smartphone, puis... Pas le vrai web. Ben, sûrement le web de genre de GTA. Ah oui, OK, ben un peu comme ils font. C'est ça. Putain, tu peux avoir des emails. C'est ça, ouais. Fait que, ouais, c'est ça. Puis ils sortent un nouveau trailer le 14 novembre. Fait que si vous écoutez le podcast post-14 novembre, ben, il y a un trailer. Ouh. On en reparlera. Fait que, c'est ça. Fait que, nouvelle techno GTA 5. Bon, j'ai hâte de voir ça. Printemps 2013? C'est ça qui est annoncé. J'ai hâte. Mm-hmm. Je le veux. Mm-hmm. J'espère qu'il y a un multijoueur. Je suis déjà vendu. Ouais, moi aussi. C'est tout pour Techno? Ben, j'ai rien d'autre dans Techno. Il s'est pas passé tant d'affaires côté Techno. Ben, restons dans le genre un peu Techno parce que ça s'écoute sur des bébelles Techno. Section podcast. On n'a pas eu de nouvelles la semaine passée. Cette semaine, on a deux nouvelles de podcast. Premièrement, l'épée légendaire va faire un podcast spécial, le grand rendez-vous des podcasteurs, le 7 décembre prochain. Mm-hmm. On a une petite pub audio qui a été faite spécialement pour nous. Oh. Je sais pas si vous l'utilisez ailleurs, mais on voulait la jouer en primeur. On est les premiers à voir ça. Ici Maxime Tremblay de l'Épée légendaire. Je vous invite le 7 décembre prochain au grand rendez-vous des podcasteurs 2012. Notre mission, déterminer le meilleur jeu de l'année 2012. C'est donc un rendez-vous le 7 décembre prochain dès 20h30 sur épéelégendaire.com. Oh! Alors, Le jeu de l'année 2012. Ouais, alors, discussion de plusieurs podcasters pour trouver le jeu de l'année 2012, l'épée légendaire. C'est quoi ton jeu de l'année 2012? Tu jouais à des jeux en 2012? Le seul jeu je peux te dire, c'est probablement un jeu de 2011, je crois. Rocksmith est sorti l'année passée, ça. Je sais pas. C'est mon jeu de l'année parce que c'est la seule affaire que je joue présentement, c'est Rocksmith. Je suis debout dans mon salon puis je soque avec mes studs, ma strap de guitare. Puis nice. Je suis pourri. Elle n'a pas manqué. Puis une autre nouvelle de podcasting québécois. Mm-hmm. Réservez votre 26 novembre. Pas de problème, va faire un pas de problème live. Au bar Les Passages. Oh! J'ai dit ça sous toute réserve parce que j'ai pas eu d'informations puis ils n'ont pas dit encore officiellement qu'ils faisaient ça. Mais j'ai vu sur leur page Facebook réservez votre 26 novembre. Donc j'en conclus qu'ils vont faire une émission live. J'espère que c'est bien ça. Sinon, ben, on se corrigera dans un épisode futur. Sinon, on vous annonce n'importe quoi, mais ce sera pas nouveau. Alors, lundi le 26 novembre, je crois que pas de problème, seront live au bar Les Passages. Peut-être aller faire un tour là, moi. Au bar Le Passage. Les passages. Les passages. Ouais. Les passages. Les passages. Être passage. Tu sais, c'est le genre de jeu de mots un peu dans le titre. Là, non? Showbiz! Showbiz. Sorti cette semaine de Skyfall 007, le nouveau James Bond. James Bond. Les critiques sont bonnes. Oui. Skyfall, ça a l'air bon. J'aime bien. J'aime bien James Bond. Daniel Craig, ouais. Ouais, c'est j'aime pas, non, j'aime, moi, j'aime pas James Bond. J'aime bien la franchise de James Bond, moi. Pas moi. Non? Non. Je n'ai pas embarqué dans James Bond. J'ai toujours aimé. Moi, Pierce Brosnan. Ouais. Je m'excuse. Pierce Brosnan a eu un bon James Bond, ça a été GoldenEye. Puis... J'ai pas trippé sur GoldenEye, sauf le jeu. Qui n'a pas trippé sur le jeu de GoldenEye? Ben, c'est ça. Parce que le jeu était bon, mais le film, c'était mauvais. Pierce Brosnan. C'est non fucked up. Brosnan. Tu peux bien avoir joué dans le sommet de Dante. Chris, oui. Ben, c'est ça, je voulais juste souligner la sortie du nouveau James Bond. Fais ça ton micro. Pendant que je sens qu'il y a mon micro sur le côté. Ben oui, Skyfall, fait qu'allez voir ça. Je vais y aller, vous sûrement au cinéma. Ou pas. Ben moi aussi, je me suis dit que c'était bon, puis j'ai quelqu'un que je connais qui est allé voir qui m'a dit que c'était bon. Bon. Ça valait le détour. Écoute, as-tu d'autres nouvelles de show business? Mm-hmm. Il y a une nouvelle. Ben, t'as sûrement déjà entendu parler de Rebecca Black. Friday, Friday. Gotta get down on Friday. Ah, cette tune qu'on haït. Qu'est-ce que. The Weeknd, Weeknd. Bon, ben, il y a une nouvelle Rebecca Black. Une nouvelle tune de Rebecca Black? Non. Une nouvelle Rebecca Black. OK, une nouvelle artiste. Et là, je fais des grosses guillemets, là. Des big guillemets radiophoniques. Des air guillemets. Des air guillemets. Fait que elle s'appelle... Elle est jeune et elle s'appelle Nicole Westbrook. Oh. Et sa chanson s'intitule « It's Thanksgiving ». OK. Et c'est une chanson sur Thanksgiving. Donc... Elle chante à propos de Thanksgiving et elle parle de patates pilées et de dinde. Puis elle parle des gens des fêtes. Au lieu d'être les jours de la semaine, elle parle des fêtes. C'est ça. C'est pas genre Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday. C'est non, elle, c'est genre Christmas, Thanksgiving, 4th of July. Easter, puis Thanksgiving à la fin, c'est comme, c'est le summum là. Mon dieu. Puis, hey man, un moment donné, elle chante dans une cuisse de dinde. Ok, ça comme un micro. Oui, ça y sert de micro, man. Oh, hey, pis, on a atteint des bas fonds là. Tu sais, dans Friday là, dans la tune de Rebecca Black, il ouais. y a un dude noir ouais. qui chante une tune de rap un moment donné. Ah, qui fait comme un affaire freestyle de rap. Ouais, là, lui, il fait un petit bout de rap. Comme, hey, checkez-moi, je suis un artiste émergent. Il y a le même dude noir dans... Il fait-tu un autre bout de rap? Non, pas de bout de rap. Elle a rap un moment donné, par exemple. Non. Mais écoute... Mais elle parle de patate pilée, puis... Elle parle de mosh potato, puis de turkey. Hey, non, mais moi, je propose qu'on en écoute peut-être un petit extrait. T'as pas mis un extrait sur le soundboard de ça? Ben, je pense que oui, man. T'es sûr que tu veux faire que ça? On va perdre notre auditoire, là. Non, moi, je pense qu'on devrait y aller avec ça. Check, okay. On va juste écouter un petit bout. OK. Ah non, mais elle va avoir des menaces de mort, là, c'est sûr. Ah, c'est tellement du bonbon, man. Mashed potato. Hey, turkey. Okay. Hey! Oh, hey, ça sonne, mon gars, là. C'est bien trop produit en fou, c'est là. C'est du gros stock, là, mon gars. Du gros beat, là. Toum, toum, toum. Mon gars, ça sonne, là. Mais non seulement c'est le même beat que Friday, mais la fille, elle a la même voix que la fille de Friday. Puis elle fait « Hey » comme dans Friday. « Hey ». ».« Hey ». ».« Hey ». C'est comme si c'est une parole que tu dis quand tu sais pas quoi dire d'une After tune, Christmas, genre, pour comme cheerer, là. « It's New Year's. Hey ». Christmas, hey, New Year, hey, Easter, hey. Oh. Après ça, c'est Thanksgiving. Tiens-toi une balle, sérieux. Oh, mon Dieu. Ben, écoutez... Je pense qu'il y a des gens qui devraient s'excuser à Rebecca Black. C'est pas la pire chose qui est arrivée. C'est pas la pire chanson qui est arrivée au monde. Je pense qu'on a un contender de qualité ici. Il pourrait s'affronter dans un match à mort. Il pourrait s'affronter dans un combat des clips, genre. Combat des pires clips. Ouais, combat des pires clips, man. J'aurais de la misère à trouver le pire, mais probablement que ça, si elle chante dans une cuisse de poulet, une cuisse de dinde. Une cuisse de dinde, man. C'est pas mal d'un top, ça, là. Ah, j'adore ça. Hey, man, quand j'ai vu ça, à un moment donné, elle fait un petit rap. Just qu'on l'a pas, ça, en audio. Il crée une chance. Yeah, boy. On pourrait presque se gâter. oh non. Mais finalement, on vous gâtera pas. Non, ben là, à un moment donné... Ben non, mais on... c'est parce qu'on... Il y a des limites, là. Ben oui. Hey. Faut pas. As-tu d'autres nouvelles de showbiz? Showbiz, là, ça s'arrête, là. Ouais, il n'y a pas eu de nouvelles showbiz cette semaine. Non. As-tu d'autres choses, toi? Moi, ça fait le tour de mes nouvelles pour la semaine. Ouais. Ouais? Il y a juste une petite chose, là, que la semaine passée, on n'a pas parlé. OK. D'un fait divers. Mm-hmm. Un enfant, c'est par rapport à l'Halloween. Ah, je viens de voir cette affaire. Un enfant qui a été déguisé en Guy Turcotte. Hey, ça, là. Puis. Il y a une photo qui a été tweetée. Dans le fond, il y avait. On dit, OK, déguisé en Guy Turcotte, mais pourquoi c'était évident? C'est parce qu'il y avait un sarreau, un couteau, un stéthoscope, puis le jeune buvait un bidon de. De lave-vite. C'est. Puis, il me semble que c'est un couteau en sang, là. Ouais, c'est un couteau plein de sang. On va pas s'éterniser là-dessus. Mais calisse que c'est con. En plus, ça a été mis sur les médias sociaux. Là. C'est con en estime. Le père, j'imagine que c'est le père ou la mère, peu importe lequel des deux parents déguise son enfant de même, quand le jugement est passé, t'étais couché. Hein? Oui, t'étais couché ou tu l'as manqué. Là. Sérieusement, à calisse. Là. Non, mais voyons, s'entend-tu que le jeune, là, il est pas conscient. Là. Ah, mais lui, il va vieillir, puis il va regarder ses photos de quand il était jeune, puis il va comme se dire « Chris, je suis déguisé en un meurtrier d'enfant. » À moins qu'il passe comme étant déguisé comme Dexter. Là. Mais non, avec le lave-vite, c'est ça qui tue tout. Ouf, quel mauvais jeu de mots. Allons donc vers une chronique plus enjouée. Ouais? Ouais. Ben, je sais pas, on a-tu fini les nouvelles? Ben, moi, j'ai fini, là. Bon, ben, ça veut dire qu'on est rendu à la chronique rotative. Oh! Ben, avant ça, moi, ma bière est vide, alors... Tabarnouche. On fait une petite pause et on revient. José. On est maintenant rendu à la chronique rotative, Dave. Ouais. Cette semaine, on a choisi la chronique hashtag les gens. Oui. Qu'est-ce que la chronique hashtag les gens, Dave? Oh, c'est une belle surprise. Oui. Cette chronique nous permet de chialer, inspiré du sujet du hashtag Twitter les gens. Oui. On chiale sur un sujet qu'on choisit cette semaine. Hashtag simplement. Les gens en auto. Donc, on chiale sur les manies, les habitudes des gens en auto. J'ai quasiment le goût de te dire hashtag les gens en auto part 1. Part 1. Ouais, parce qu'on va peut-être le reprendre. Il y a tellement de choses qu'on pourrait dire. Je sais pas par quoi commencer. Plein. Ouais, on va en oublier, c'est sûr. OK. Commençons. Vas-y. T'en as-tu un bon? Start new, là. Je le sens, ça s'en vient. Les gens qui tournent sur deux voies. Tu sais, quand tu tournes à droite, t'es supposé rentrer dans la première voie à droite. Pas oui. Te couper sur deux voies parce que t'as l'autre côté de la rue qui s'en viennent. Ouais, ouais. Les vieux monsieur là, ou vieilles madame qui tournent dans deux voies très, très, très, très larges. OK. Ceux, les gens, là, les seuses. Ouais, eux autres. Qui mettent leur flasher en tournant. Ben, c'est vrai que je m'en allais dire. Je l'avais emmêlé, ça. Ça donne à rien, là. Le tu monde, tournes déjà. Le monde qui flash après avoir tourné. Là. Oui, c'est comme tabarnak. Qu'est-ce que tu fais? Pendant qu'on est sur le flasher, d'abord... Le monde qui flash à gauche puis qui tourne à droite. Hey, what's up with that, là? C'est quoi, ça? N'importe quoi, man. Voyons donc. Le monde, là... Attends, j'ai pas de respect. Okay, okay, je suis énervé bien. J'en ai un, là, qui me tape vraiment ses nerfs, OK? Puis ça, je comprends pas. Ou... OK, je vais commencer par le dire. Les gens qui chauffent puis qui ont tout le temps le pied sur le break... Tu sais, t'es essuie, là. Même sur l'autoroute, là. Partout, man. Ils ont tout le temps le pied sur le break, man. Ils chauffent. Oh, ils mettent les breaks. Oh, ils mettent les breaks. Oh, ils mettent les breaks. Tabarnak. Lâche le break. Hey, je suis sûr qu'il y en a qui chauffent à deux pédales. Il y en a, là, je suis sûr qu'ils font ça, man. Ça ils ont peut, un pied sur peut, le gaz ouais. Puis un pied sur le break, man. Ils sont trop habitués à chauffer manuel. C'est comme. Ils clochent avec le break. Hey, man, c'est comme lâche ton break, là. Pis tu sais, quand t'essuies, là, pis arrête pas, tu t'en vas, mettons, t'es sur le pont Champlain, là, pis arrête pas de breaker, là, pis t'es comme, ah, oh, tabarnak. Ah, oh, mais c'est à cause de ce monde-là que le trafic commence aussi, là. Ouais. Tu retardes le groupe, là. Tasse-toi. Les gens en auto qui font du trafic. ce serait un bon point, ça. Les gens qui flashent juste pas. Mm. Tu sais, c'est un coin de rue, puis t'as un char qui s'en vient là, de super loin, puis tu m'entends qui passe, puis là, il se décide de tourner à dans la minute sans te le dire. Oh, ouais. T'aurais pu tourner de tout ce temps-là, toi. Mais non, monsieur, ça ne tentait pas d'activer son flasher. Non. Pas besoin de t'informer. Hey, ça me Il faut frustre. Que tu le devines. Ici, à Longueuil, les gens chauffent particulièrement mal. J'ai constaté ça à maintes fois. C'est terrible. Je sais pas pourquoi, c'est peut-être Tantôt, d'ailleurs, un char, il m'a coupé. Ben, il m'a pas coupé, il s'est préparé à me couper, puis c'est comme, j'avais carrément priorité, mais lui, il était à une lumière. Puis là, moi, je tournais un coin de rue, fait que je suis arrivé comme sur Marie-Victorin, je pense. Ouais. Puis là, lui, il a comme voulu faire un U-turn. Mais il a voulu faire un U-turn en avant de moi. Mais il avait comme vraiment pas priorité, là. Moi, j'étais sur ma lumière verte, là. J'ai comme, qu'est-ce qu'il fait là? J'ai comme ralenti. Tabarnak, man, regarde où tu vas. Le monde chauffe tellement bizarre, man. Les gens qui regardent pas les piétons hein, quand ils tournent, puis... Oh ouais, man. Qui avancent sur des rouges. Les gens qui... Je vois probablement une personne par jour passer sur une rouge. Ah ouais, ouais, ouais. Hey, man, reste encore ici de proche de chez vous, sur Marie-Victorin. Alors, arrête, là, tu vas dire où est-ce que j'habite, là. Non, mais c'est Marie-Victorin, là, il y a une lumière, là, quand je tourne, là. C'est le carrefour de Laval, de Longueuil. Esti, man, passer sa rouge au foie, j'ai failli, j'ai tellement eu peur, j'ai comme, waouh, qu'est-ce que c'est ça? Ah, c'est fou, faut que tu regardes 14 fois, puis, elle faisait un bout qui était rouge, là, sa lumière, là. J'ai tabarnak! Qu'est-ce qu'on a Ouais? Ben, vas-y. Je l'ai perdu, les gens... Les gens. En auto, ceux qui... Attends, on va rendre ça intéressant, je pense. Vas-y donc. Vu que c'est la chronique hashtag les gens, si on dit pas les gens, puis on dit le monde, on prend une gorgée. Ah. Pff. Faites pareil à la maison. Ah, ben oui, ben oui. Une gorgée de... Je vais en prendre une quand même. De café, de bière, dépendamment de quand vous nous écoutez, une gorgée de bol de céréales. Tu sais, le fond de bol de céréales. Là. Ouais. Tout le temps bon, ça. Ben oui. Un petit lait sucré. Là. Juste pas que tu t'endormes avec. Ah, oh ben là, faut que tu fasses ce qui est rare. Là. Ouais. Le monde qui te colle dans le derrière, comme en fou. Là. Ouais. Qui veulent que tu ouvres ta valise. Là. Calmez-vous. Les agressifs. Fatiguant. Les gens agressifs en auto. Ouais, ouais, ouais. Le monde qui te font des simagrées. Ah, le monde, tu vois. Le monde, prends une gorgée. Les gens qui te font des simagrées. Tu sais, tu mets ton flasher, tu changes de voix, puis la personne te fait quasiment des fuckers en arrière comme si tu l'avais coupé. Ouais. Hey, calme-toi, madame. C'est pas faux que t'es nerveuse. Les gens qui te dépassent par la droite, mais qui se rendent pas compte que tu vas à la vitesse que le trafic va, puis je peux pas aller plus vite, puis finalement, ils se retassent en arrière de toi, puis là, ils se retassent à droite, ouais, ils se retassent en arrière de toi. Ils vont juste retarder le groupe. Là, ils arrêtent pas parce qu'ils fatiguent, là. Ils veulent passer, là, mais s'ils pouvaient, là, ils passeraient par-dessus toi, man. Je te le dis, là... T'arriveras pas plus vite, là. T'es pas nié, toi aussi. Puis là, t'arrives un moment donné, genre, un petit peu plus loin, là. Puis t'es dans le trafic ou quelque chose, t'arrives à une lumière, puis t'arrives à côté de lui. Puis là, tu le regardes, puis tu fais... Salut! Là, il y a une nouvelle loi qui a passé récemment par rapport aux policiers sur le bord de la route. Ouais. La zone de sécurité, qu'ils appellent. Ouais. J'ai vu ça... Tu fais attention à ça. Pas une étiquette. Tu peux pas une étiquette, ouais. Ouais. Mais c'est quoi, y a-t-il un autre policier derrière qui check ça? L'autre, comment ça marche, là? Je sais pas. Si tu passes dedans, puis le gars, il arrête son call, puis il part après toi. Il est debout à côté du char, il fait une contravention, puis là, il te voit passer. Il court vers son auto, puis il rembarque dedans. Ah, regarde, pis... il fuck l'étiquette, il part après toi. C'est encore plus dangereux, ça, man. Ouais. Ouais. Faites attention. On veut pas les blesser, nos policiers. Faut pas les blesser. Faut qu'ils nous teasent avec le taser. C'est bon pour dire ça. Ouais. Ardis-les donc, voir. Non. c'est une belle phrase à dire, ça. Faut les blesser, nos policiers. Faut pas les blesser, nos policiers. Pas les blesser, nos policiers. Ça sera la phrase du podcast cette semaine. Ouais. Ouais. Ben, les gens qui sont d'un certain âge, qui conduisent avec le nez dans le volant, t'es proche du dash, là. C'est vraiment ils sont comme trop avancés. Vraiment à côté, là. Hey, eux autres, là, le airbag, il aura pas le temps d'ouvrir, man. Et boy, hey, là. La face dans le dash. Imagine-tu ça, justement, le airbag ouvre, ils vont voler au plafond. avec le petit logo Toyota dans le front. Là. Ben étampé, oh, solide. Nice. Les gens. Les gens. Les gens qui. Un cédé le passage. C'est pas un stop. Tu ralentis. S'il n'y a pas de char, t'accélères. Tu pèses sur le gaz. C'est pas un arrêt obligatoire. C'est un céder le passage. Puis à l'inverse, c'est un céder le passage. Si j'arrive puis que t'as un céder le passage, coupe-moi pas, tabarnak, c'est un céder le passage. Là, break. Les gens. Les gens qui... Les seuses de calice. Les gens qui ne comprennent pas le principe d'une entrée d'autoroute. Ouais, ouais. Qu'il faut que tu roules à la vitesse que le trafic roule si tu veux rentrer. Les gens qui rentrent sur une autoroute à 70 km/h. Ben, les gens qui pensent que l'entrée d'autoroute est un salé de passage continuel, là, comme... Oh, allez-y, allez-y, vous roulez plus vite que moi. Calvaire! Les gens sur l'autoroute qui roulent à 60. Là. Ah ouais. À gauche. Ouais, les vieux qui roulent avec leur minivan à 90 dans la voie de gauche. Les gens de l'Ontario. Les gens de l'Ontario. C'est tout. C'est tout ce que j'ai à dire. Hostie. Y en a d'autres, man. C'est sûr qu'on en oublie plein. Ah, je t'en dirais. Je t'en dirais. Ben, dis-moi ça. Ben, j'en cherche. Ben, je fais moins de voiture, là, depuis que j'ai déménagé. Là. Ben, comment ça? Ben, je suis à côté de la job. Ben, là. Ben, les gens au coin de rue. Là. Ben, les gens dans les stationnements. Ah, les gens des stationnements qui... Ah, ben, ça pourrait être un autre volet, j'avoue, en voiture. Ça fait partie de en voiture. Les gens dans les stationnements qui se parquent trop sur la ligne, qui t'empêchent de te parquer, qui coupent un parking en se parquant en croche. Ah, c'est ouais, ceux qui prennent deux parkings. Deux et demi, des fois. Pour pas se faire accrocher. Évidemment. Ben oui. Les gens. Hey. Il y a une belle Volkswagen Jetta montée. Les gens dans les parkings, quand t'attends une place pour te parker, que la personne sorte, puis qu'ils te volent ton spot de parking. Là. Ouais. Va te frapper avec un bat de baseball. Tu traînes-tu un bat de baseball? Je devrais peut-être commencer. Les gens qui traînent un bat de baseball. Dans le champ. La violence au volant. La violence au volant. Qu'est-ce qu'on en fait de ça, la violence au volant? Les gens en auto, OK, qui font des affaires en auto. Ouais, comme? Hey là, attends, là, tu me pognes en estime. Ben là, les filles qui se mettent du mascara puis qui se maquillent pendant qu'ils conduisent. La bouche ouverte. Hein? C'est pas safe. Non. Textent au volant? Ouais, les gens qui textent. Hey, sérieux, là, ouais. Je l'ai déjà fait, là, mais texter au volant, faut être un peu inconscient à faire ça. Ouais. Puis, tu sais, je l'ai déjà fait, là. Alors, je le fais des fois sur une lumière, puis je suis même pas fier de moi. Puis, c'est pas bon, là. Vraiment pas. Quand tu fais ça, c'est inconscient, là. C'est, honnêtement, là, l'annonce chaque lettre que tu perds la vue sur la route, là... T'as pas l'attention sur la route, là. Chaque lettre, l'annonce qui passe présentement à la télévision de ça est vraiment très bonne, aussi, là. J'aime bien l'impact. Pourtant, ça, ils font pas effet, ces pubs-là, je trouve. Non, c'est juste bien fait, mais... C'est bien fait. Ça rejoint pas les jeunes, je sais pas. C'est tellement un geste inconscient. Ben, je dis les jeunes. Ben, c'est pas les jeunes, c'est les gens en point. Là. Ça rejoint pas les gens. Oh! Ouais. On a-tu d'autres? Oh, Simon, c'est sûr qu'on oublie plein. Parce qu'on là, on y va à la volée de même. Parce qu'on n'est pas préparé. On n'a pas noté rien. On a choisi notre chronique rotative. Non, mais c'est parce qu'il s'est passé, c'est qu'on a oublié qu'on avait une chronique rotative à faire. On s'est trop préparé, c'est les clips audio et tout ça. On met l'enfance ailleurs. C'est la zone de tampon qui s'en vient. Mais ouais. Hey, restez là. Restez à l'écoute. Hey, donnez-nous une chance. Là. Ben oui, ben oui. Les gens en auto, ben vous en avez sûrement des gens en auto, vous autres aussi. Ouais, ben qu'on contribue. Envoyez ça sur Twitter, même si on n'est pas live. Là, envoyez-nous ça sur Twitter, @lajazette. Il y en a plein. On va peut-être faire un deuxième volet. Ah, sûrement, on va revenir là-dessus. On en a oublié. Je suis sûr qu'on va juste prendre une petite pause, puis on va revenir, puis on va en avoir d'autres. On va faire direct ça. J'essaie de penser vite, là. Mais... Pense-y vite, voir. Je pense. Les gens, hein? Hein? Qui font quoi? Ça. Qu'est-ce qu'ils font, les gens? Les gens qui sont de type policier dans une voiture de patrouille qui parlent au cellulaire pendant qu'ils conduisent. Les polices, là. Ils parlent au cellulaire. Pendant qu'ils conduisent. Création de loi. Ben, ça a l'air qu'eux autres sont exemptés de toute loi, puis... Peux-tu appeler la police pour dire qu'une police parle de ça? Je sais pas à quel point tu peux faire ça. Tu vas te faire spotter. Peux-tu aller cogner s'il y a une lumière rouge? Excusez. T'as-tu vu le vidéo de ça sur Internet? Non. Un gars, je pense qu'il est en bicycle. Il voit une police, je pense que c'est en Russie quelque part du genre. Il voit une police parler au cellulaire au volant, puis ils n'ont pas le droit là-bas. Puis il cogne dans vite. Puis il dit au policier, il dit tu parles au volant, t'as pas le droit. Puis il dit il faut que tu raccroches, sinon moi je vais te dénoncer. Là. Ah oui, le policier, il raccroche, man, puis il est comme en tabarnak, puis le gars, il arrête pas de le lâcher, puis C'est vraiment hot, man. J'en ai un. Vas-y donc. Les gens qui sont pas capables de tenir une ligne droite dans un... sur une route, là. Ouais, ouais. Tu sais, t'as deux voies, mettons, puis la personne à côté de toi, elle se met à se zigzaguer un petit peu dans sa voie, puis elle se rapproche super proche de ton dash. Ah, ouais, ouais. Comme, hey, ça te tente-tu de te tasser? Qu'est-ce que tu fais? T'es sous? Les gens qui pognent une sortie d'autoroute et tout. Ouais. Tu sais, comme, quand t'arrives... Pourquoi quand t'arrives proche d'une sortie d'autoroute où, ce que mettons, il y a... C'est une ville comme... Où il y a beaucoup de gens qui sortent. Pourquoi ça ralentit? Comme... 1 kilomètre avant que t'arrives. Pourquoi comme 1 kilomètre avant la sortie d'autoroute, ça roule 80 dans la voie de droite. Puis y a des gens qui sortent pas là. Ouais, ça je comprends pas. C'est... Qu'est-ce que tu fais là? Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi on roule 80 là? C'est... ça a le temps de prendre le embarquer sur une autoroute là, c'est pareil comme en sortir. Faut que tu sortes à la vitesse. Comme... Du trafic, puis après tu, ça, c'est... Tu y vas, là, tu sais. Qu'est-ce qui se passe? Qui parle? Ben moi, j'ai plus vraiment de référent comme ça, direct. De référent? Hey, je te drop des mots, là, de même. Là. Hey, word dropping. Word dropping. Moi, je pense qu'on est mûr maintenant pour aller à la zone tampon. Bon, ben, oh. Ça fera le tour de la chronique hashtag Les gens cette semaine. Envoyez-nous vos manies que vous détestez sur la route de Les gens. Mm-hmm. En voiture. On oublie certainement tout plein. José. Alors, bienvenue dans la zone tampon du podcast, Dave. Oui. Te considérais-tu comme un flexitariste? Un quoi? Est-ce que tu pratiques le flexitarisme? Peut-être que oui, mais je le sais pas. Parce que c'est une pas nouvelle c'est tendance qui constitue à être flexible avec ses convictions, c'est-à-dire être végétarien, mais... À temps partiel ou des fois manger de la viande. Ah, ok, sinon je suis pas flexitariste. Moi, écoute, je peux te dire c'est définitivement. C'est le commensal, ça, qui fait ouais, ça. Ouais, on commençait ça, eux autres, là. Belle bande de sales. Ben ouais, ils essaient d'attirer le monde qui ne veulent pas manger de tofu. C'est ça, là, mais moi, je peux te dire clairement que je ne suis point flexitariste. Je suis très, très rigide sur mes convictions. Je ne mangerai pas de légumes. et j'irai pas au commensal. Ah, mais c'est bon, des légumes, par exemple. Moi, j'aime. Ah non, mais j'en mange, mais je veux dire, moi, j'aime beaucoup les légumes, mais. Tu me verras pas au commencer. Moi, c'est comme. Moi, c'est vraiment un mix des deux. Non, mais c'est quoi ça, le flexitarisme? Hey, come on, là, ok? Tu l'es ou tu l'es pas, là? Sinon, c'est juste une tendance que des fois, j'ai le goût de manger des plats végétariens, des fois, j'ai le goût de manger de la viande. Okay? Non, mais sérieusement, là. Si t'es pas végétarien, ça donne absolument rien de manger du tofu, là. Effectivement. C'est une perte de temps, là. C'est que ça goûte à rien, man. Mais, mec, remplace-les par quelque chose qui goûte de quoi? Ou mets-en juste pas. Je vais opter pour cette option-là, moi. Mets-en juste pas. Semble, je sais pas. Mais je suis d'accord. Ouais. Flexitarisme. C'est comme une affaire tendance. Eh oui, j'ai entendu ça, mais j'ai pas allumé sur le moment, là. Tu m'as comme surpris un peu. Ouais, tu t'entendais pas à ça dans la zone de tampon. Ben non, je pensais que c'était une maladie, là. Ben, moi, je considère ça comme une maladie mentale. C'est clair. Comme, regarde, t'es juste quelqu'un qui est un enthousiasme de végétarien, là. Mais hein. Tu as rien d'effacer nos dessins sur la table? Ouais, je me rends compte que... Faut faire attention à ça. De pas effacer le « j'aimais mon passage ».« J'aimais mon passage ». Ouais, fait que, hey, t'as-tu quelque chose? Pendant qu'on est dans la zone tampon? Ben oui, ben, regarde, ça coule encore. Hey, ça vient de commencer. Un petit sex fact. Oh yeah, ok. Vas-y. Un petit sex fact. Savais-tu, Jeff, que les humains, les dauphins et les singes bonobos. Qu'est-ce qu'il y a? Ok. Singe bonobo. Ok, bon. C'est quoi un singe bonobo? Ouais, je sais très bien c'est quoi. Ok. Singe bonobo sont les seules espèces qui ont des rapports sexuels pour le plaisir. Des singes cochons? Fait que les humains, les dauphins puis les singes bonobos, man. Ah ouais? Bonobo. Bono. Fait bon, c'est des beaux bonos. Bonobo. Hey, le singe bonobo, c'est un singe qui partage le plus de gènes avec l'homme. 99,4% du code génétique. Quand même. C'est beaucoup, hein? C'est quoi le ça ressemble à un chimpanzé. Puis un chimpanzé, c'est genre 1% de moins, à peu près 1% de moins que ça. C'est un singe avec les fesses à l'air. Non, non, c'est comme un chimpanzé, mais c'est plus foncé un peu. OK, OK. C'est un petit peu différent, mais c'est ça ressemble vraiment à un chimpanzé. Fait que, ouais, les singes bonobos, là, c'est, ça fourre le fun. Les dauphins et tout. Les dauphins, je suis un peu surpris. Mais ils ont tendance à exciter, eux autres. C'est cochon, un dauphin. Tu sais, il sort de l'eau, là, il est comme... Ouais. Ouh, puis il se fait aller les fait que on n'est pas la seule espèce horny, man. Wow, fait qu'il y a deux autres espèces qui font ça. Ouais. Fait qu'à cette heure... que je pense à ça, la photo que j'ai de moi qui se fait donner des petits becs par des dauphins. Ouais, tu te dis, lui, il prenait son pied. C'était des avances, ça, là. Ah ouais, mais ça, man. Hey boy, singe bonobo. Y a-tu ça, si on va au zoo? T'as pas checké dans l'eau, toi, hein? Non, je sais pas ce qui se passe en dessous. Il dit yes. Call. Le dauphin bonobo. Le dauphin bonobo. Oh, ça va bien. OK. Fait que c'est ça. C'était ton sex fact? Sex fact. Pas mal cool, ça. C'est bon, hein? Hey, as-tu déjà entendu parler du documentaire Pumping Iron? Pumping all the time! Ouais. Un documentaire sur Arnold Schwarzenegger qui était fait en 1977. J'ai entendu ça dans Hollywood Babylon. Ils ont passé un clip. Puis je pense que ça vaut la peine qu'on écoute ça. Ah ouais. C'est Arnold qui, en 77, nous parle de ce que ça fait de faire des poids, de faire de la musculation, de pomper ses veines et tout ça. Okay. C'est en deux parties, je te passe la première partie. Okay. Explique-nous ça, Arnold. The greatest feeling you can get in a gym, or the most satisfying feeling you can get in the gym, is the pump. Let's say you train your biceps. Blood is rushing into your muscles, and that's what we call the pump. Your muscles get a really tight feeling, like your skin is going to explode any minute. You know, it's really tight. It's like somebody blowing air into your muscle. It just blows up, and it feels different. It feels fantastic. Fait qu'il nous explique le pump. C'est quoi une pompe? Donc une pompe pour lui, c'est un comme pumping. C'est comme se flexer un peu là. C'est ton bras devient tellement tight. C'est comme si quelqu'un envoyait de l'air. De l'air dans tes veines. Tout était tout sur le bord de déchirer quasiment. Tout est tight, tout est serré. It's like tight. Pumping. Fait que là, it's like blood rushing to you. Vous devez vous demander pourquoi on met ça dans la zone tampon présentement, parce que ça, à date, ça n'a pas sa place. Ben en fait, c'est parce que la deuxième partie, c'est qu'il nous explique pour lui ce que le pumping, ça fait. Quel effet ça lui fait? Se pomper, ouais. C'est avoir une pompe, là, les muscles. Pour lui, à quoi ça équivaut? Faire des biceps. Faire des pompes. On écoute ça. It's as satisfying to me as coming is, you know, as having sex with a woman and coming. And so can you believe how much I am in heaven? I'm like getting the feeling of coming in the gym, I'm getting the feeling of coming at home, I'm getting the feeling of coming backstage when I pump up, when I pose out in front of 5,000 people, I get the same feeling. So I'm coming day and night. I mean, it's terrific, right? So, you know, I'm in heaven. Jour et nuit. Hey man, il est au paradis, man. Jour et nuit, I'm coming all the time. Hey, he's coming everywhere, man. Hey, lui, là, il vient backstage quand il fait une petite pompe avant d'aller devant le public, devant 5000 personnes. Lui, il est au gym, puis il vient, là. Il vient au gym, il vient dans une femme, il vient, backstage, il vient partout. Il vient dans la femme de ménage. Lui, là, man, il peut pas venir plus, là. Imagine comment il doit être horny, ce gars-là. Il doit avoir un main des bobettes. Lui, il vient partout. It's like coming all the time. C'était ça qu'on parlait dans un des podcasts précédents d'Arnold qui se pompait, là. Moi, ça me fait bien trop rire, ça. It's like coming. Ah, fait qu'Arnold, écoute, en 77, dans le I'm fait qu'il était... I'm coming backstage. I'm coming in front of you. Coming everywhere. Coming day and night, I'm in heaven. Dans le temps qu'il était Monsieur Univers, là, ou je sais pas trop, là, Monsieur Gros Chest. Ouais, des beaux. Avec Roy, beaux pecs. Roy Callender. L'homme avec les plus gros pecs au monde, je sais pas quoi. Là. Ouais, le top 10. Un bonhomme qui entraînait à la prairie au Pro Form. Il était entraîneur, ma blonde. Ouais, il avait des méchants gros pecs. Puis il avait des grosses cuisses. Il faisait peur. Mais Google ça. Ouais. Roy Callender. D'autres choses? Ouais. Moi aussi? Ouais. Surprends-moi. OK. J'ai un autre affaire de sexe. Oh! 10 lois bizarres sur le sexe. Oh, j'aime ça. J'ai pris un top 20 ça, j'en ai déjà vu et je l'ai réduit à 10. J'ai pris la crème de la crème. Oh! Fait que sans, nous autres, on... sans jeu de mots, tu sais. Non, non, nous autres, on vous donne pas les petits détails anodins. On alors, va pour le gros stock. Je prends une gorgée et on part ce top 10. OK, mais je t'accompagne avec cette petite gorgée puis je te suis... Non, on a vu la semaine passée qu'il faut faire attention quand on prend nos gorgées pour pas être simultané parce que ça crée un malaise épouvantable. Ça va te prendre des sous-verres. Oui, bon point ça. J'en ai. OK, 10 lois bizarres sur le sexe. À Guam. Guam. Guam? Ça se trouve à être. Une place quelque part, ça. Tu sais, c'est là-bas. C'est à loin. Guam ou Guam? Guam. Guam. Guam. Guam. Des hommes ont pour métier de voyager et dévierger des jeunes femmes. À Guam? Ouais. Parce que selon une loi, c'est interdit de, pour une vierge de se marier. Fait qu'à Guam, ils déviergent les ouais. femmes. Fait que je sais pas pourquoi c'est pour pas le c'est pas le futur, je sais pas pourquoi c'est pas le futur business de ça. Oui, c'est un métier. T'es un comme un genre de commis voyageur. T'es un viergeur. Ouais. Sur la route, c'est drôle ça là. Bonjour David Thibodeau. Des viergeurs. Des viergeurs voyageurs. Pourquoi c'est pas le c'est futur mari? Quoi, ça? Pourquoi c'est pas le futur mari qui dévierge sa femme au pire? Je comprends pas. En tout cas. J'aurais pas dû dire ça, je vais être mal cité en maudit, là. Ah, oh, ouais. J'ai tellement... pas hors compte. Non, mais je l'ai dit, j'ai hâte qu'on soit mal cité quelque ouais. part, moi. Deuxième loi, à Lebanon. Lebanon. C'est OK d'avoir des relations sexuelles avec des animaux femelles. Femelles seulement. Avec un mâle, c'est passible de peine de mort. Ça, c'est... T'es assez bizarre. Il y a une affaire que j'avais vue et tout, mais je l'ai pas dans ma liste, mais je vais te le dire. C'est tellement là, c'est... épais, man. Il y avait une place que c'était comme illégal d'avoir du sexe avec des animaux, sauf si c'était des insectes. Comme, fait que le monde qui sont des insectes. Avoir... Le monde qui sont insectophiles, les autres, ils ont bien passé dans, okay, dans leur procès. Non, je m'en fous, je veux pas que tu me l'expliques. Oh, je veux même pas le savoir. Ok. Mais je me demande quand même la question. Numéro 3 à. Baron. Un homme, un docteur, un gynécologue dans le fond. A pas ben de là, droit. Il fait quoi là? Ben c'est un homme, c'est un docteur et c'est un gynécologue. Il a pas le droit de regarder les parties génitales d'une femme pendant un examen directement. Juste lui ou. Le gynéco a pas le droit. Les hommes ont pas le droit de regarder comme le docteur. Ok, c'est pas un gars précis. Non, ben c'est pas ce docteur là, c'est tous les docteurs. Ok. La seule façon qu'ils peuvent faire, c'est à travers un miroir, avec la réflexion d'un miroir. Ah non, ça c'est une joke. Là. Non, c'est vrai. C'est avec tout. La réflexion du miroir. Fait qu'il faut, il peut juste regarder les parties. Il peut pas par regarder le miroir. Directement. Ouais, c'est peut-être une offense, je sais pas. Je suis un peu confus. Mais ça c'est tout le temps, là. C'est pas à partir d'un certain âge ou. Non, c'est. C'est... Plutôt avant un certain âge, pas à partir de. c'est le médecin. Hein. Oh, après 18 ans, tu peux plus regarder une plotte. À Hong Kong, une femme qui a été trompée peut tuer son mari, mais seulement à main nue. Mais par contre, la maîtresse de son mari, elle peut le tuer avec n'importe quoi. Mais le mari. Ça va, Dave? T'as-tu eu de la bière à travers ton nez ou t'es correct? je trouve ça bizarre. Quoi? Attends. Faut que tu me le répètes, ça. Là. Okay. Ben attends, là, j'ai pas de bière, là, mais ok. À Hong Kong, une femme trompée peut tuer son mari, mais seulement à main nue. Fait qu'elle peut juste comme l'étrangler ou lui péter le cou, je sais pas quoi, là. À main nue. Mais la maîtresse du mari, elle peut la tuer n'importe comment. C'est tout légal, ça. Des belles lois à Hong Kong. Aucune représailles. Non, rien, là. Les autres, ils s'en lavent les mains, là. Puis... Numéro 5. À Washington, une loi interdit d'avoir une relation sexuelle avec une vierge en n'importe quelle circonstance, même durant sa nuit de noces. C'est comment pour la dévierger? Peut-être qu'il faut que tu ailles à Guam puis que tu... ben voir un déviergeur. Ouais. Nice. À Rombosch. En Virginie, numéro 6. Il est interdit d'avoir une activité sexuelle avec la lumière allumée. Fait que... Okay, faut que tu fasses ça dans le noir tout le temps. Tout le temps. Tout le temps avoir les lumières fermées. Tu veux pas savoir ce qui se passe. Hey, hein? Numéro... Fait que dans le... Ouais. T'as-tu quelque chose à dire là-dessus? Non. Ben, numéro 7, au Nevada, c'est interdit de faire l'amour sans condom. Je sais pas comment ils font pour avoir des enfants au Nevada. Ils leur virent à l'envers. Arc. Puis ils font une petite, un petit doigté. Numéro 8 au ça ministre. Ça doit être long avant de tomber enceinte. Ah ouais, ça doit prendre bien des essais. Faut avoir vraiment bien du doigté. Oh! Oh! Au Minnesota, numéro 8, interdit aux hommes de faire l'amour à un poisson vivant. Ah. Un poisson mort, ça, il n'y a pas de trouble. Non. Les femmes, eux autres, ils peuvent faire l'amour à un poisson vivant. <C'est>... Les hommes, non, mais les femmes, oui. Ah oh, ouais, ça, c'est correct. Numéro 9, en Indonésie, la peine pour masturbation pourrait être arrêtée pour masturbation, parce que tu peux te faire arrêter pour te masturber. Public masturbation? Ben, ça, c'est sûr que tu te fais arrêter. Mais tu peux te faire arrêter juste pour masturbation. Ben, ok, chez stress. Vous, là. Oh, et tu peux te faire arrêter. Dans ton salon, il pourrait avoir une descente pendant que tu es en train de te crosser dans le salon. Puis la peine pour ça, c'est la décapitation. De quoi? Ils disent pas. Donc, n'allons pas en Indonésie. La décapitation, c'est de la tête, là. Mais... Ouais. Et numéro 10, à Sioux Falls, Dakota du Sud. Les hôtels doivent avoir pour les couples deux lits simples séparés par deux pieds de distance. Puis t'as pas le droit de faire l'amour entre les deux lits sur le plancher. Faut que tu le fasses dans le lit de l'autre. Faut que tu essaies de faire ça dans un lit simple sans tomber à côté. Puis... Bon. Bon, au moins tu peux le faire. Ben ouais, mais tu peux pas... juste pas dormir dans le même lit. Puis tu peux pas le faire dans l'espace entre les deux lits. Ah. C'est dans la loi, ça. Si tu colles les lits. Ben tu peux pas, faut que les lits soient à deux pieds de distance en tout temps. Ouais, mais t'es colle. Mais tu baises, puis t'es décolle. Mais tu peux pas. Si t'arrives, ils vont t'arrêter. Ils pourraient t'arrêter pour dire « Hey, vos deux lits sont trop collés, vous autres. » Tu peux-tu mettre une planche dans le milieu? Ah ben là, je sais pas, j'ai pas vu les détails de la loi. Je sais pas si tu peux faire des aménagements à l'hôtel. Là, setup. T'arrives avec tes 2x4, puis tout, là. N'importe quoi, ça. C'était mes 10 lois bizarres sur le sexe. Bon. C'est fun, ça? Ben, c'est fucky, man. Ouais. Savais-tu, Jeff, que... Les personnes intelligentes consommeraient plus d'alcool. Sur ça, je vais boire une gorgée. Ben, vas-y. Il y a des chercheurs anglais et américains qui ont fait, donné les résultats d'une étude qui fait un lien entre l'intelligence et la consommation d'alcool. Puis apparemment que plus on est intelligent, plus on boit. OK. Mais c'est pas nécessairement... Ça marche pas dans l'autre sens non plus. Non. C'est pas parce que plus on boit, plus on devient intelligent. Non, c'est ça. Puis c'est d'ailleurs. Bizarrement. Ils disent ça. C'est bizarre, ça. Fait que. C'est ça. Dans le fond, l'étude a été menée sur des enfants pendant plusieurs années, là, dans le fond. Là. Ils ont pris des enfants de moins de 16 ans. Ils les ont classés dans 5 catégories: très stupide, stupide, normal, brillant, très brillant. Ils ont revu ces enfants-là pour continuer leur recherche là, comme, de façon continue. Oh, ouais. Ils ont attendu 7 ans. Les Anglais, eux autres, ils ont choisi, mettons, des gens dans vingtaine, trentaine, quarantaine. Puis ils ont fait des tests là-dessus, là, sur ces personnes-là. Les enfants classés dans la catégorie brillant et très brillant consommaient plus d'alcool que ceux classés dans la catégorie stupide et très stupide. Les jeunes issus de l'étude britannique qui appartenaient à la catégorie très brillant consommaient près de 80% d'alcool en plus que les très stupides. Les chercheurs ont obtenu les mêmes résultats en... prenant en compte les revenus, la situation amoureuse, l'éducation. OK. Fait que... Ah ben! Fait que c'est comme... T'as un beau QI, tu vas consommer. Mais si tu consommes trop, ton QI va descendre. T'auras pas un bon QI. C'est une étude qui prouve ce qu'on savait déjà. En même temps, ça révèle pas. Qu'est-ce que ça donne de savoir ça? Je sais pas. Ben, ça fait du temps, c'est le fun. Ben, c'est la zone tampon, on apprend des affaires qui servent à rien. Hey! Moi, j'ai deux questions de Pat Silverwolf. Non? Il y en a un qui ça va être un mini hashtag les gens. Mm-hmm. Les gens qui habillent leurs animaux. Tu sais, le monde... OK, avant de commencer ça, si vous mettez du linge à votre chat, what the fuck, là? Bon, ça c'est dit, mais le monde, les gens qui mettent des manteaux à leurs chiens, puis ben, des petites bottes. Il y a des races, je sais que c'est con à dire, mais il y a des races que tu vas leur mettre un manteau pour vrai parce qu'en hiver, ils tolèrent pas. Oh, mais en dedans. Mais, c'est même un petit gilet de laine. Là. Si tu y mets un petit chandail juste pour le style, c'est comme. T'as le droit. Mais calisse que c'est poche. Si tu mets un gilet, un gros dun. C'est pas un. Pas un jouet, c'est pas un... C'est T'es un animal. T'es un animal, là. Pourquoi tu l'habilles? Ben, tu sais, tu tricotes un tu petit... Tu sais quoi, c'est que tu l'humanises, ton... Ben, c'est parce que tu veux qu'il ait chaud. Ben, c'est parce si que... tu veux qu'il ait chaud pour aller le promener dehors, c'est ça je te dis, c'est une autre affaire. Ouais, ça dépend. Tu sais, comme ma marraine, elle a un caniche. OK, ouais. Elle met des bottes en hiver. Parce que, genre, les pattes d'un caniche, ça gèle. Mais genre. Sinon, il me semble que les chiens sont faits pour résister à quand même au froid un minimum. Ça dépend des races. Ouais, non, mais c'est ça, là. Mais la plupart des chiens, là. Il y a des chiens qui sont plus habilités à ça, mais d'autres non, là, tu sais. T'as pas un husky, c'est sûr qu'il n'y aura pas de problème dans la neige. Ou un Saint-Bernard. Là. Un Saint-Bernard non plus, là, tu sais. Mais tu vas aller pogner, justement, un caniche ou des affaires de même qui sont pas nécessairement des... Faut-tu mettre des petites bottes à ton chien pour l'amener chier dehors l'hiver avec un petit manteau? Pis... Ouais, il y en a quoi, man? Hey, c'est du trouble en esti, ça. Ouais. Ben mieux un chat qui fait rire. Il y en a qui le feront pas. Puis, tu sais, le chien va pas faire des enjeux nécessairement non plus. Ouais. Là. Mais il y en a qui vont en faire. Ça se peut. C'est pas impossible. Faut que tu vérifies ça. Mais moi, ce que je trouve vraiment con, c'est vraiment juste les habiller pour leur. Leur mettre des petits genres sautes de bling-bling ou je sais pas trop pour le look, là, c'est comme... Ouais. Ça sert à rien. Là. Tu peux-tu mettre un chandail de loup à un chien? C'est hot, ça. C'est écœurant. Ce serait fou. Ou un jersey du Canadien tricoté. Là. Ça serait peut-être la seule affaire qui passerait. Tu y mets une petite veste de... Juste pour ton patriotisme du hockey. Ouais. Ton chien l'affiche, man. Il comprend pas ce qui se passe, mais il crie, mais il te l'affiche. Ah, oh, mais il est content avec toi. Là. Ben ouais. Il est dans la fièvre des séries. Oh, il comprend pas pourquoi, mais il est content. Deuxième question de Pat Silverwolf. Ouais. Deux produits égaux, mettons. Est-ce qu'on serait porté à acheter quelque chose qui serait fait made in Québec? Ben oui, pourquoi pas? Moi aussi. Hein. Ben oui, certainement. L'économie locale. Ben ouais, puis... encourager le local, justement. Sûr qu'à prix égal, même qualité, puis tu me dis « Made in Québec » ou « Made in China », je prends le « Made in Québec ». Moi, quand je vais à l'épicerie acheter ma bière, je check souvent les deals qu'ils ont, mettons. Ouais. Puis je pogne, mettons, la bière comme qui va être en spécial. Mais il y a tout le temps des deals à l'épicerie que je vois, il y a tout le temps des deals sur toutes les bières, quasiment. Puis souvent, je vais me retrouver à me pogner une bière, genre, mettons, une alchimiste, une bière de même qui va être un produit local, puis... C'est super bon, là. Puis, je veux dire, pourquoi je prendrais une autre bière? Je veux dire, elle est bonne, elle est une bonne petite bière blonde, elle est pas chère, elle fait la job. Ben oui, il faut encourager l'économie d'ici. Ça s'applique à n'importe quoi, dans le fond, là. Je veux dire, j'ai pas d'exemple, là. Non, mais puis moi, j'ai exactement le même avis, là. C'est, oui, encourager l'économie locale. Notre chum Mart, il a une guitare bro que c'est un... C'est un luthier qui l'a fait, puis c'est vraiment un produit homemade, là. Mais pas homemade, là, mais je veux dire, made in Québec. Hey, luthier, vous êtes dans la lutte. Vous êtes luthier, vous êtes dans la lutte. Êtes-vous lutteur, entraîneur, arbitre. Ben, c'était tout. C'était les deux questions de Pat Silverwolf pour la semaine. Ben, merci, Pat. Et c'est également tout pour moi, pour la zone tampon. J'ai une dernière petite chose. Ben, conclue-nous donc ça. Ben oui. Semblerait que moins de domination masculine au lit égale plus de plaisir. Ah oui? Donc... Il faut se laisser dominer. Plus un homme s'écarte du fantasme social du mâle dominant... Oh, s'écarte du fantasme social. Plus sa partenaire et lui sont épanouis sexuellement. C'est ce que révèle une étude. C'est la conclusion d'une étude qui tend à prouver combien les normes sociales du genre masculin et féminin jouent un rôle clé dans le comportement sexuel. Comment est-ce qu'ils ont fait pour tester ça? Ils ont pris des commentaires à chaud après l'acte. Non, ils ont pris des étudiants. Et puis, avez-vous aimé que votre chum soit masculin ou 357 pas? 357 étudiantes et 126 étudiants âgés entre 18 et 29 ans ont été interrogés. Oh! Bon, ça s'applique qu'aux jeunes. OK. Ils ont répondu à des questions sur leur activité leur sexuelle, goût, là, leur ça. Goût, là, et s'ils considéraient que l'homme devait être dominant ou pas. Les femmes sont davantage partisanes de l'égalité des sexes, semblerait-il, et hey, ça, là. La croyance du mâle dominant au lit, là, ça c'est plus comme un... Un sexisme, là, genre. C'est tout des féministes, c'est ça, c'est peut-être ça, man. Une attitude. C'est comme... C'est hostile. C'est... C'est lié à, mettons, des gens qui vont avoir une attitude plus tolérante face à, genre, des crimes sexuels ou des trucs de même. T'sais, mais c'est vraiment intense. Là. Ils ont poussé comme l'étude, me semble, à un niveau. Je suis pas sûr que si tu domines ta blonde sexuellement un soir, pour le fun, c'est lié à ça. Il là. A dominé puis dominé aussi. Oui, je sais, mais tu sais, moi, si ma blonde veut me dominer un soir, Chris, go! Ah ouais? Ah mais non, là, il parle des hommes qui dominent les... L'inverse, ouais, il en parle pas. Mais l'inverse, il en parle pas de ça, hein? C'est tout le temps la même affaire. Parce que nous autres, on se plaint pas. C'est une étude de féministe. On se plaint pas, nous autres. Ah, ben regarde. Ah, moi, tu veux me dominer? Chris, vas-y. Hey, domine-moi. Prends la toute. Ouais, c'est ça. Garde-toi à la grande. Hein? C'est des stats comme je les aime, ça. Ouais, ouais, ouais. Fait que, en gros, c'est ça. Ben, vous l'aurez appris en primeur à la jasette. Ouais. Ou pas. Fait que, faut être moins dominant au lit. Toi, c'est quoi ton take là-dessus? Est-ce qu'il faut dominer? Est-ce qu'il faut froisser notre papier? Qu'est-ce qui... Moi, je dis que faut dominer et faut se faire dominer. Faut savoir. Ben, faut dominer partager. Ou faut l'idée? Faut prendre les devants ou comme. L'idée est faire. Ouais, mais non, non. Non, mais c'est. De contrôler, il y a une différence entre contrôler puis dominer. Il y en a qui aiment ça jouer à des petits jeux pendant l'acte. Mais tu sais, si tu veux jouer. Genre un board game sexuel, là. Non, juste au jeu. Hungry Hippo? Jouer à la domination, là. Ah, avec un fouet puis des straps en cuir. Ah, mais ça peut aller jusque-là si tu le désires. Mais t'es pas obligé. Bon. Mais si tu veux dominer. Tu peux dominer et te faire dominer le lendemain. Il n'y a pas de règlement là-dessus. Là. Toujours avoir un safe word. C'est mon conseil de la semaine. Hey, on a des beaux, ouais. Des beaux petits sex facts. Ben oui, mais c'est pas complaisant du tout. Là. Ben non. Hey, on est bon là-dedans. On est comme... Non, mais la zone tampon est là pour ça. Ben oui, absorber ouais. Tout ça, tu sais, c'est... C'est comme des sex educators. Bon, on essaye, en tout cas. Je suis pas sûr non plus. Ah oh, ouais, suivez nos conseils. Ouais. Ils sont bons. Ah, c'est bon. C'est du bonbon. Ouais, regarde. José. C'est tout pour l'épisode 28 de La Jazette, propulsé par Young Media, édition du maintenant 11 novembre 2012, parce qu'il est 1h du matin. Ben ouais. On va arrêter ça. C'était une late night again. C'était pas supposé, mais finalement, ça a été une late night. Ouais. Où est-ce qu'on peut te rejoindre, Dave, cette semaine? Sur Twitter. At Mr. Miniweed. MI_Miniweed. Et moi, toi, Jeff. Moi, at Jeff Cron. Ouais, Twitter. Ouais. Ouais, je suis là. Ouais. Je parle. Je parle moins de ce temps-ci. Je suis comme bien occupé à job. Moi, je parle pas beaucoup de ce temps-ci. Pas grand-chose à dire. Fait que... Tu ou pareil, c'est pas grave. Tant qu'à dire des niaiseries, quoi que. C'est pas mal ça, mon compte Twitter. Des niaiseries. Hey, okay. Comme beaucoup de gens. Ouais. Comme la majorité des gens sur Twitter. Vous pourrez également rejoindre d'autres niaiseries à la jazette. Venez nous parler. Venez nous commenter sur hashtag les gens au volant, les gens en auto. Les gens en auto. On veut savoir ce qui vous exaspère, ce que vous haïssez des gens en auto. On va peut-être faire une suite à ça. Ouais. Venez également nous rejoindre sur Facebook, Google+, si vous êtes encore là-dessus. Moi, je poste là. On est encore là-dessus? Ben, moi, je considère ça comme envoyer une bouteille à la mer. T'sais. Tu sais jamais si quelqu'un va voir ça ou l'attraper, là, mais je le mets en cas par défaut, fait qu'on pourra pas dire qu'on n'est pas là. Fait que, ben, c'était Jean-François Combe. David Thibodeau. Pour La Jazette. Ciao. Ciao.